tous les soirs, 20h-23h, Mickaël sur Goom Radio. Et ouais, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous avez passé une bonne journée dans le froid. Putain, ce qu'il a caillé ce matin là. Ah, 0 degrés. Ah, il faisait 2 quand je suis sorti chez moi. Entre 0 et 1 normalement. Ouais, bah, je suis sorti chez moi, il était 5h30 du mat. Oh là là, c'était d'une violence. En scooter avec Cécile, on s'est régalé ce matin. Ah bah tu m'étonnes. Ah bah là, 6h, c'était génial. Deux glaçons, il nous manquait un verre pour faire santé. Ah non, mais c'était horrible. C'était le premier jour comme ça où il faisait vraiment rude. Ouais, c'est vrai. Et ça va pas s'arranger, donc ça m'inquiète. Mais bon, en même temps, tu me diras, on arrive en hiver. Ça peut pas forcément s'arranger. Oh, quoique si, en fait, à partir du mercredi, 9 degrés la nuit. Oh, bah ça va, c'est 9 degrés, c'est bien. La nuit ? La nuit, ouais. Mais qui vit la nuit ? Non, bah, enfin, le matin, je veux dire, c'est à 5h30 du mat, c'est encore la nuit, tu vois. Et oh, ça va, attention, on a presque des températures caniculaires. Hein. Aujourd'hui, il a fait. Non, c'était quoi ? Il y a quelques jours, il faisait 5 degrés en pleine journée, là, et quand tu vois vendredi, 16. Wouh ! On sera au top, là. Presque en été. 16 degrés, ce sera le top. Non, peut-être si, pas. Si, c'est bien, 16 degrés. Non, 16, c'est bien. Bon, par contre, je serai à Marseille, moi. Tu seras à Marseille ? Ouais, ce week-end. Ah bah bravo. Non mais 16 degrés, faut qu'il y ait du soleil. Ah ouais, non mais là il va faire dégueulasse. Hein. Ah, là, c'est donc, la pluie, c'est nul, en fait. Tout le merdier. Hein. Tout va être là, ça va être le top du top. Hein. Mais bon, enfin bref. Pierre va bien ? Il va bien. Tant mieux. Bien. Avec les. Ah bon, mieux pourquoi ? Ben parce qu'en fait ce matin ça allait pas du tout là. J'avais assez mal d'estomac. Ouais. Et puis après, j'ai fait caca pour tout vous dire. Ah bah merci pour ces informations. Comment étaient tes selles ? Très importantes. Elles étaient molles. J'ai goûté pour savoir si elles étaient pas acides. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on est content d'apprendre tout ça d'ailleurs. Ah ouais, je prends un chewing-gum. Mais t'as l'air fatigué. Bah ouais, c'est ça, trop en chier. Bah tu me diras, c'est normal hein. Pas évident, ouais, mais c'est bon. Attends, j'ai pris. T'as la gastro, non ? Je prie du riz, ça consolide. Oui, merci c'est beaucoup, ça, le riz, c'est bien. Ouais. Allez, merci pour ces informations. Effectivement, on aura l'appel coquin tout à l'heure et puis la journée internationale de Paul le Poulpe. Ouais, il fallait rendre hommage. Ah bah oui, il faut rendre hommage, il est mort. Ah c'est le vrai Poulpe. Qu'il est mort, c'était le champion du monde de foot, hein. Ouais, du pronostic de foot plutôt, ouais. Donc ouais, décès de Paul le Poulpe. De quoi il est mort, on sait ? Bah, à mon avis, il s'est noyé. Ah, ça c'est drôle ça. C'est drôle. J'en avais 10 comme ça pour ce soir. Ah ouais. Et bah, une. L'avantage c'est qu'il en reste plus que 9. C'est le côté positif des trucs. Il s'est étranglé avec ses pattes. Bah ouais. Hop là. C'était prévu dans les 10 aussi ou pas ? C'était ma deuxième. Bon bah très bien. Avant il en reste de mourir, plus que 8. Il a laissé tomber l'encre. Ah bah regarde, on en parle. Mais le son de la télé là. Ils en parlent à la télé. Son aquarium. Mais que les fans de Paul se rassurent, il ne sera pas mangé tout cru. Ah bah on arrive sur la fin, c'est dommage. Ah, Paul le Poulpe, oui, sans transition aucune, effectivement. Comment vous les filles ? Il a quand même 5 minutes sur le JT, quoi. Ah, bah oui. Enfin, c'est France 3, hein. Ouais. Et c'est tout le sport en même temps. Ouais, bah oui, c'est ça, au final, c'est vrai. Bon, comment vont les filles donc ? Je suis un peu triste, moi, mais ça va. Qu'est-ce qui t'arrive encore ? Non, j'ai le béguin pour quelqu'un. Pour le Corse ? Non. Ah, allez, dis-le, vas-y, sinon, vas-y, déclare ta flamme au Corse, je suis sûr que tu as une chance, hein. Je t'aime, le Corse. Moi, non. Oh, putain, quelle violence. Ça me fait rien parce que c'est pas lui en vrai. Ah bon ? Bah écoute. Ah, c'est Mika ! Non. Ah, oh, ça commence pareil. Ah ouais, non, ça c'est déjà fait. Ça. C'est marrant aussi, hein. Non, ça commence pas pareil. Je sais qui c'est. Ben si, il s'appelle Mounir. Oui, c'est nous deux. 5 euros, mec. Yes, Mounir. Mais bien sûr. Mounir, ça commence comme Mika. Non, t'as cramé le bordel. Non, c'est bon, on a cramé le bordel. Oh, mais je fais une vanne et eux ils ont trop cru que c'était la vie, quoi. Non, mais c'est pas grave. On sait qui c'est. Ouais, on a compris. C'est le Playboy des bacs à sable. En même temps, vous voulez qu'on parle de vos histoires ou pas ? Mika, ça va ? Ouais, Parle pas de nos. Non, c'est parce qu'il a la chiasse. Voilà, c'est ça. Et alors, Émilie qui nous a fait un drame là, parce qu'on avait pas remarqué qu'elle était chez le coiffeur. En même temps, t'as la même coupe qu'hier. Oh là là, mais toi, je suis même plus là. Ça y est, depuis que t'es parti, le mec il me hait, quoi. C'est vrai que tout à l'heure, quand t'es arrivé, t'as été violent avec le mec. Elle. Il arrive mais dans l'open space. Non, je peux raconter parce que les gens pensent que t'es les gens. Je suis revenu de Cuba. Oui, ouais. Finalement. Hein. Non, il faisait trop chaud là-bas. Les gens pensent que t'es gentil, mais il faut dévoiler ta vraie personnalité. Ah non, mais je suis un gros enculé. Hein. T'arrives dans l'open space. Que ce soit clair. Je te hein. fais un grand sourire et je te fais salut, Mickaël. Il fait là, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a sourire. Mais non, mais attends. Excuse-moi, je vais te faire la gueule quand t'arrives. C'est un peu agressif. Mais je sais pas. J'ai dit salut, t'avais. Salut Mickaël, avec un ton genre oui, mais, bonjour. Mais alors, pas du tout. Ah bah putain, ouais, bah, c'était c'est genre hyper accueillant. C'est comme ça que ça se sentait, c'est pour ça. Bah non, bah tu vois, ah bah je vois voilà. pas quand je t'aime. Attends, on pourrait faire un combat de Jean Aigri, hein, tous les deux. Ah ouais, non, mais je pense que je gagne direct. Hein. Ah, quoique, Emilie, elle est pas mal, elle se défend. Hein. Ouais, peut-être, ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Bon, et puis ce soir est une grande journée aussi pour le Corse, puisque Ajaccio joue pour la Coupe de la Ligue face à Montpellier. Et non, mais Montpellier. Ne mélange pas Ajaccio voilà. et Bastia. Allez, Montpellier, c'est ce que j'allais dire. Allez, Montpellier. Quoi ? Attends, Ajaccio, t'es contre Ajaccio ? Je porte pas trop. Ah mais je suis vraiment j'ai misé Montpellier en plus. C'est de la CA dans mon cœur, non. J'ai misé Montpellier en plus, c'est vrai. Toi qui es corse, c'est comme Lost finalement, vous connaissez tous sur cette île là. Pourquoi t'es pas pour tes potes de Bastia? Parce t'imagines que c'est, cette petite île là, il coupe le, déjà c'est la guerre entre deux. Parce que tu préfères la Corse du Nord, c'est-à-dire qu'il y a deux montagnes sur leur terre là. Il y a deux montagnes sur leur terre, il faut que ça gueule. La Corse du Sud, ce sont les Corses à moitié. Je suis là. Tu vois, c'est les bouches, ça veut dire qu'il a pas fini de parler. C'est ça quoi. Bon, donc ce soir, allez Ajaccio alors. Allez Montpellier. Oui. Oui, bah je préférerais aussi Montpellier, tant qu'à faire. Il y a Monaco aussi qui joue face à Lorient. Ah. Il y a les Stéphanois aussi face au Bordelais. Et puis Valenciennes face à Bologne. Voilà, comme ça vous savez tout. Si Bologne, vous avez pronostic, ça y est, il faut qu'elle pense à bouffer à chaque fois qu'on dit. Bologne, ouais. Bolognaise. Je sais pas, j'ai faim. Oh, j'ai un peu faim là. Ah, ça m'a fait ma pizza, moi, qui va pas tarder à arriver. Je crois que t'es au régime. T'as pris une pizza? Ouais. Mais pourquoi je me l'ai pas demandé? Mais surtout que je croyais que t'es au régime. Parce que je vous ai pas vu, vous êtes rentré. Le Corse! Parce qu'on allait boire. Je croyais que t'es au régime. Non, mais le régime, ça a duré un jour. Mais t'as maigré, hein. Le Corse! Si ta mère te voyait, elle aurait honte. Ta maman, elle est encore là? Elle est encore là, oui. Bah, de toute façon, tu vas sentir la pizza en rentrant. Non, la pizza! La pizza. En rentrant. La pizza. Non, je sentirai pas la pizza. La pizza. On tirera la merde. Il va sentir la pizza. Bref. Ce soir, pas mal de choses. Du son, évidemment. On aura l'occasion de se mettre le nouveau son de My Chemical Romance. Il y aura Mike Posner aussi avec Cooler Than Me. Qu'est-ce qu'on mettra également? B.O.B. avec Magic. Il y aura aussi le son de Sopra avec Hero. Et puis, si vous avez des sons à proposer, allez-y. Hein. Neon Trees aussi, le son préféré du Corse. Puisqu'il le met deux fois en général d'affilée. Ouais. Exactement. Donc ça fait pas des mal. Doublettes. Il y aura Rihanna aussi le nouveau avec Only Girl in the World, Swedish House Mafia, Nelly également. Donc si vous avez des propositions de son, bah allez-y. Et puis on va commencer dans pas longtemps avec Far East Movement. Ce sera Like J-Sex. Et puis il y a un mec qui a je sais pas si vous avez déjà fait des petites inventions. Oui, bien vous avez oui. déjà fait des inventions. Bah oui, ouais. En techno. Ouais. Genre quoi? Tiens, t'as me trop piégé toi en ce moment. Bah non, mais attends, mais moi des nouvelles inventions sur en technologie. Ouais, en techno. Par exemple, en fait, il y a un mec, un père et un fils, qui se sont amusés. Ils ont quand même bossé pendant pas mal de mois sur le truc pour arriver à faire des photos vues de l'espace ou presque, en tout cas de l'espace, de la stratosphère. Donc, on est quasiment dans l'espace. Et ouais. Ils voulaient avoir des photos, mais faites par eux-mêmes. Mais comment faire? Ils ont bossé sur un truc et ils ont mis mais tu sais avec genre avec des ballons tout le bordel là qui avec de l'hélium à l'intérieur, oui. Les photos accrochées avec des trucs qui fait des photos genre toutes les 10 secondes c'est ou les machins comme ça. Et en fait après ils ont réussi à récupérer les photos tu sais genre t'as un, ouais, genre un iPhone qui fait des photos et tu sais qui les envoie par téléphone quoi, tu vois un truc comme ça. Ah, c'est pas genre ils ont mis une puce dans le bordel quand c'est tombé, ils sont allés le récupérer peut-être. Non, je sais pas exactement comment est-ce qu'ils ont fait. Moi je non, c'est comme une ça. Corde et ils ont et donc, tiré la corde après. Ils ont fait, c'est ça. Ils ont mis 8 mois donc pour construire leur bordel là et ils ont fait des tests avec résistance météo, etc., etc. Et ils ont fait des images qui déchirent leur mère. Grave. Ah ouais, mieux bon, c'est moins bon que celle de la NASA, forcément, parce qu'ils ont des trucs pro. Mais quand tu sais que là ça a été fait, ah bah justement, tiens, il y a France 3 là. Avec Jamy. Avec Jamy. Dis donc, Jamy. Tant qu'on a perdu chez soi. Tu vois, je t'avais dit d'être prêt plus tôt. J'ai l'impression qu'il vieillit pas, Jamy. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai qu'on a l'impression aussi. Hein. Ouais, cette musique. Oh, c'est terminé, hein. C'était très rapide. Et si on regardait la télé? Bah écoute, c'est une idée, ouais, c'est une idée. Bah, c'est non, ce qu'on mais va faire revanche, avec le vendredi, foot, hein, on va la regarder. Bah on verra. Qui veut épouser mon fils, ouais. Ah bah je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à regarder, je te confirme par rapport à ça. Hein. Pas mal de choses. Dites-nous, tiens, si vous avez déjà fait des petites inventions un peu particulières, là, si elles ont marché aussi. Hein, si moi ça j'ai inventé des cocktails. Mais bon, ouais. C'est bien ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de voir si ça fonctionne, puisqu'il les a déjà incurgités en général. Exactement. Avant même de voir si c'était un mes amis, bon vous allez voir, pas. C'est délicieux, et quand je le ramène, il ne reste plus rien. Bah, c'est ça. Ils savent jamais. Moi, j'avais inventé un skate avec des ailes. Avec mon petit frère. Ah, ça, c'était dans Retour vers le futur. Non, on avait essayé de le faire parce qu'on était fan de Retour vers le futur. Et du coup, on avait pris un skate et on avait construit des espèces d'ailes, mais en carton, avec un petit peu de métal et tout. Et on le faisait partir d'une colline et le skate, il s'envolait un tout petit peu, mais après, il se fracassait par terre. Ah, et oui. Il volait un petit peu, mais c'était une bonne expérience. Ouais, c'est bien tenté, ouais. Ouais, c'est bien tenté. Je pense que Mickaël a inventé des petits avions, tu sais, en papier qui volaient un petit peu. Moi j'étais mais vraiment doué là-dessus, vraiment, parce que j'avais rien en cours. Rien en fait, non. D'accord. Okay. Bah, il a inventé le iPhone, t'imagines d'un coup. C'est ça, ouais. C'est-à-dire Apple. Vu la merde de téléphone qu'il a, si tu veux, on n'est pas sûr. Hein. J'ai un BlackBerry, c'est bien. Le clan des iPhones contre les BlackBerry. Mais non, mais c'est ça. Un peu c'est, tout seul, c'est, hein, par contre. C'est du. Ouais, non, il y a le Corse qui est avec toi. Il y a pas le même que toi. Tout le monde a un iPhone ici. On est vraiment des riches. Le Corse, il a le téléphone avec encore le serpent. Très bien, le Nokia. C'est vrai. Oui, moi, c'est j'ai, ça. J'ai pas votre argent, hein. Je peux pas me payer un. Oui, Michael, il est milliardaire. Tu parles, t'as vu mon téléphone? Ouais, d'accord. Mais pourquoi t'as ça? Non, mais attends, il est là, mon téléphone. Non, ça, c'est ton téléphone belge. Ah oui, c'est vrai. C'est un Nokia, je sais même pas ce que c'est comme numéro, mais c'est vieux, hein. Ça, c'est. Attends. Elle n'empêche, c'est d'une solidité, j'en avais déjà parlé, mais. Je vais essayer. T'as récupéré tes sous pour l'iPhone, toi? Ah non, putain, ouais, tu me dois des sous. Bah oui, bah une seconde, et j'attends que tu me donnes un RIP pour que je puisse te faire un virement. Il est réglo, il est réglo. En plus, c'est moi qui lui ai rappelé que je lui devais doser. Il faut quand même le savoir, ça. C'est vrai que hier, il t'a dit, tu sais, mais il aurait pu fermer sa gueule et repartir en Belgique avec tes 100 euros. Exactement, je serais parti définitivement, j'aurais tout lâché, mais j'aurais gagné 100 euros. Ah, mais ce qu'il t'a pas dit, c'est qu'il l'a revendu 300. Non, bah non, qu'est-ce que je le vende? Il était pété, il y avait plus rien qui marchait sur ce téléphone. J'espère qu'il s'est pris un peu dessus. Mais attends, mais le mien, tu vas me. Hein, bah rien, il est cassé. Mais moi je veux bien que tu te prennes 20 euros dessus parce que t'es déjà gentil. Bah, attends, c'est sympa. Avec celui d'Emilie, il est quand même tombé dans l'eau, tu vois. C'est pas comme s'il était, tu sais, genre tombé en panne. Non, il est tombé dans l'eau. Mais c'est qui le pigeon à qui tu l'as vendu? Bah, c'est un mec qui voulait récupérer les pièces, j'imagine, à l'intérieur. Mais tu sais que le soir où je l'ai fait tomber, ça m'a pas trop inquiété parce que j'étais bourrasque. Donc il est tombé dans mes toilettes, je l'ai vu, je l'ai rattrapé direct et je fais. Oh, il marche plus. Et je me suis couché. Il était à côté, c'était drôle. Mais quand je me suis réveillée, ça m'a fait moins. Ça avait l'air bien drôle, clair. Donc, hein. Ouais, c'est au réveil que ça fait mal, quoi. Ça me fait pareil avec les mecs. Je me réveille, je fais, oh, c'est trop rigolo. Et je me réveille, je fais, oh, putain, c'est pas drôle. Allez, ouais, c'est bizarre aussi, ouais. Bon, et on salue ceux qui sont connectés ce soir sur le groupe Facebook. Il y a Laura, il y a Méline, il y a Tania, il y a Marion, il y a Nestlé qui est là également, il y a Hello, il y a Lionel, il y a Mathieu, il y a Marie, et puis, bah, tous les autres, hein. Il y a Marie qui dit, je veux un Blackberry, c'est plus classe, l'iPhone fait trop joujou. Ah ouais, mais qu'est-ce ouais, que tu peux faire sur l'iPhone? Le Blackberry t'envoie un SMS, un mail ou tu téléphones. Waouh. Non, tu peux aussi, regarde. Tu vas sur Facebook, mais t'as l'impression d'être en 1983. Tu peux faire des BBM gratos. Ah, génial. Avec des gens qui ont BBM, parce qu'ils ont des Blackberry, il y en a trois sur Terre, en fait. Pour le coup, avec l'iPhone, au moins, tu sais, tu peux regarder les vidéos, tu peux aller sur Internet, non, mais tu surfes beaucoup, c'est quand même plus agréable, l'écran, il est beaucoup plus grand, c'est 100 fois mieux qu'avec, avec ce bouton pourri, là. Non, mais je te rassure, si j'avais la thune pour l'iPhone, je serais dans ton clan, hein, mais. Non, mais bien, non, mais attends, mais tu, bah, quand tu prends un abonnement, ça va, tu peux te démerder. Oui, mais j'ai renouvelé avec cette merde. Ah, bah oui, mais ça, après, si t'es con, t'es con aussi, hein. Ah, il était trop content quand il a acheté, en plus. Ah, bah oui. En plus, j'imagine, il devait être ravi. En plus, c'est le vieux, c'est même pas le nouveau, tu vois. Ça, si, c'est le nouveau celui-là. Ah, bah ça se voit pas. Hein. C'est le Curve nouveau, mais c'est pas le tout dernier. Le nouveau, il est nul. Ah ouais. Mais en plus, ils essayent de faire des pubs. Je les vois au cinéma. J'ai envie de leur dire, mais arrêtez, tout le monde veut un iPhone. Avec le Blackberry, on peut trop faire des BBM avec tous nos potes. Mais c'est personne génial. En a, en fait, donc, ouais, bah, c'est ça, ouais. Et arrête de dire que personne n'en a. Il y en a, il y en a trop. C'est comme les gens qui font, c'est comme Ericsson qui font encore de la pub pour leur portable. J'ai envie de leur dire d'arrêter, quoi. Ils dépensent des sous pour rien. Bah, ah, mais si, non, il y en a qui prennent, hein. Avec Android, là. Ça y est. Ouais, ouais, mais bon. Ça y est, ça va passer pour l'iPhone bientôt. Ça reste, ouais, ça reste à voir, ça aussi. Google va enfoirer. Ça reste à voir, ça reste à voir. Bref, on verra. Attendons. On se met le premier son maintenant avec Forest Movement. C'est Like JSX. Et puis, toujours 0-0 pour les matchs, là. Depuis 13 minutes, ça a commencé. Montpellier-Ajaccio, Valenciennes-Boulogne, Monaco-Lorient. Et puis à 20h45, démarra Saint-Etienne face au Bordelais. Si vous avez des pronostics, eh bien allez-y sur le Facebook, facebook.com/mikaelofficiel. Ou alors, si vous voulez discuter avec nous, 01 55 64 13 24. Le son de Forest Movement à l'instant, Like JSX sur Goma Radio. 20h, 23h tous les soirs avec vos messages. Tiens, dites-nous si vous savez où c'est diffusé, Saint-Etienne-Bordeaux, là, sur quelle chaîne. Je regarde là, mais je sais pas où c'est, comme on a les chaînes. Alors, mais je sais pas sur quelle chaîne c'est. En plus, les programmes télé sur internet, tu comprends rien. Bah, c'est ça en fait, c'est hein. C'est ce qu'il y a plus chiant au monde, quoi. Bon, bah, si vous savez, dites-nous, tiens. Il y a Thomas qui dit, moi j'ai un tam-tam. C'est encore mieux. Je pense que personne a connu ce vieux dos. C'est pas si on l'a connu. Enfin, moi j'ai pas connu parce que j'étais en Belgique et que c'est, enfin, il y avait pas ça là-bas, mais je savais que ça existait, quoi. Le tam-tam. Mec, j'étais fan de ça. Moi, j'adorais. C'était horrible. Enfin, moi, j'avais le tatou. Ah, le tatou, c'était pareil. C'est quoi la différence? C'est pareil. Non, le tam-tam, je pense que tu pouvais recevoir des messages, texte. Alors que le tatou, ouais, texte, alors que le tatou, c'était seulement les numéros, un peu comme un beeper, non? Ouais, allez. Exact. C'est ah, ça. Le tatou, oui, t'as raison. Moi, j'ai tout eu. C'était comme les chirurgiens, quoi. Ouais. Enfin, les mecs des urgences. Ah oui, attendez, ce qu'on appelait un beeper. Mon père en avait un. J'ai un coup de fil. Mon père, je me souviens, il en avait un, tu sais, tu pouvais mettre que le numéro de téléphone. C'est ça. Et du coup, t'essayais de trouver des codes. Tu sais, quand il devait te rappeler vite, tu mettais 505 pour SOS. C'était genre, truc de merde, là. Ouais, exact, ouais. Ouais, c'était 666 pour venir me faire l'amour, je me rappelle. Ah oui, le contrat m'aurait étonné, tiens. J'avais 12 ans. 6969, comme on l'a dit, un truc comme ça, 69, elle est dégueulasse, ouais. Je rigole, j'ai jamais fait ça. Bon, 0 pour Valenciennes face à Boulogne. Également, ça vient de bouger à l'instant, donc comme ça vous êtes au jus. Et puis bon, bah dites-nous, tiens, si vous savez où c'est diffusé Saint-Etienne Bordeaux. Voilà, par contre, on va vite enlever l'ordinateur d'Emilie là parce qu'elle est plus dessus qu'autre chose. Ah, c'est bon, je donnais le lien à une copine à moi pour qu'elle écoute. Non, une amie en fait. Genre, elle connaît pas goomradio.fr. Bah non, mais elle arrive jamais à m'écouter, donc si je lui envoie pas le lien, elle arrive pas à aller dessus et à m'écouter. Je t'aime, Delphine. Ouais, et gogol quoi. Je sais pas si elle m'a entendu. Je le redirai dans 10 minutes. C'est France 2 ou France 3 apparemment. Bon là on est sur France 3, c'est Plus belle la vie, donc ça c'est dur. France 2 c'est le journal, donc bon on verra bien. De toute façon ça commence ici. Canal Plus, non, non, pas Canal 2, en Coupe de la Ligue. Ouais, c'est vrai. Non, c'est quand même la Coupe de la Merde aussi. C'est bizarre, ça fait peut-être 6 mois que j'avais pas regardé Plus belle la vie, mais il y a plein d'acteurs différents. Oui, bah déjà, il y a la grand-mère qui est morte là. Oui, ouais, c'est vrai. Triste. En plus. Donc déjà, elle, on va Colette changer, c'est sûr. Oui, en voilà. En vrai ou. Ah oui, Colette Renard. Dans la série, c'était Rose, non? Je sais pas. Non, c'était Rachel. Rachel, voilà. Et ça te connaissait par cœur, c'est dur. Bon, et parlons maintenant du problème du jour. Donc, c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait plus en parler. C'est un message qu'on a reçu. Donc, bonjour, je voudrais soigner mon addiction. J'ai 38 ans et elle a commencé il y a 10 ans. Depuis 3 ans, cela a empiré. Avec les sites de webcam, je m'exhibe en me masturbant. Je suis très souvent en déplacement professionnel et je me lève 2 heures avant le boulot pour m'exhiber, me masturber. Pareil le soir, je me masturbe 2 à 3 fois par jour. Je suis marié avec un enfant et c'est pareil chez moi, en cachette de ma femme. Et cela ne m'empêche pas de lui faire l'amour. J'aime aussi m'exhiber à la piscine en érection dans le maillot de bain. Oh, quelle horreur. Bon appétit. J'aime voir le regard des filles majeures. Oui, j'aime bien qu'il précise quand même. Oui. Hein. Et je me finis dans les vestiaires. Avec, non. Mais non, mais qui fait ça? C'est l'horreur. Bah écoute, qui fait ça lui en l'occurrence, hein. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être exhib? J'ai déjà regardé le corps Supermède, c'est France 2 ou France 3 normalement? C'est France 4, je crois. Ah, c'est France 4? Non, mais en revanche, c'est 4. Saint-Étienne-Bordeaux. Attends, l'endroit où tu vois le plus d'exhib quand même, c'est sur le chat roulette, hein. Toutes les deux secondes, tu vois des mecs. La chat roulette, on avait découvert ça l'année dernière aussi. On a été pour le coup, je pense, les premiers à démarrer sur ce merdier. C'était d'une les premières fois, c'était d'une violence. Il y a une meuf, on était en train de se marier avec elle, on était en direct. Et il y avait une meuf, en fait, elle était en train de se toucher et tout. Et on était là, on lui disait, vas-y, fais ci, fais ça. La meuf, elle faisait et tout, ouf. Oh putain, on l'avait fait avec Pierre aussi, ça. Un soir chez moi, tu te rappelles ça? Contrairement à la télé, tiens. Putain, le racontez pas, je vous avais dit, jamais le dire. Mais ça a pas trop pris en France, hein. Chatroulette, ça a pris, hein. Oui, les premiers mois parce que c'était l'inconnu, l'excitation du truc, ouais, mais après, là, plus personne calmé. S'en sert, quoi. Non, mais oui, après, ça s'est calmé, ouais. Mais c'est normal. Par contre, nous, on avait fait un truc, on prenait les gens et on les bâchait. Et en fait, s'ils disaient qu'ils écoutaient l'émission, hop, on leur filait des cadeaux. Ah, ça, c'est cool. Ouais, du coup, ça marchait bien. Il y a plein de gens. J'ai un pote qui m'avait dit, putain, j'ai parlé avec Jessica Alba. Oui, mais c'était non, un mais fake. Ça ouais. Va, c'était un fake, quoi. Oui, comme les Jonas Brothers, ah ouais, les Jonas exactement. Bieber. Ils étaient toujours en boucle, les deux. Il y avait Pierre et moi aussi. Non, hein, Colette Renard. Il y avait Ashton aussi. Ashton Kutcher et Demi Moore. C'est là où Michael Jackson a fait ses débuts. Ouais. Il y avait Elvis Presley. Il y avait Babe aussi. Quelle horreur. Et De Funès aussi, hein. Mais lui, il comprenait pas très bien comment ça marchait. On lui avait mis devant comme ça sans vraiment réfléchir. Bon, dites-nous donc si vous avez déjà, justement, été exhib. Le Corse, à mon avis, oui. Oui. Ah ouais, t'aimes bien ça? Attends, il a montré sa tête vendredi, je te rappelle, hein. Non, j'ai pas montré la tête. Ouais, attends. Voilà. Non, mais par contre, c'est vrai que j'aime bien aller dans des criques chez moi et me faire du nudisme, baigner à poil dans la mer, tout ça. Non, mais ça, c'est pas du voyeurisme. Enfin, c'est pas de. C'est du naturisme. Ouais, voilà, c'est ça. T'es pas en train de t'exhiber. Moi, j'avais mon voisin. La génue, à la limite. J'avais mon voisin dans une maison à Marseille. J'avais ma salle de bain. Qui était en face de la chambre de mon voisin. Et du coup, je sortais de la salle de bain, mais je savais très bien qu'il me regardait, et du coup, je faisais tomber la serviette. Oh, t'es coquine ou pas? Ouais, t'es coquine. T'es une petite coquine. Je suis coquine. Ouais, c'est non. Vrai que t'es coquine. Oh, on aurait dit mongolienne. C'était un jeu de comédie. Ah, bah dis donc. Non, mais je l'ai fait une fois, et après, je me suis dit, c'est dangereux, tant il va descendre de chez lui, venir chez moi, et vouloir faire des choses avec moi, alors que j'étais un peu jeune. Mais je suis pas exhibitionniste, pas du moi, tout. Moi, j'avais parce que un j'ai voisin qui me montrait tout le temps son sexe. Ah bah c'est après j'avais fait donc sa connaissance, ouais. Il s'appelait Gérald, c'était une grosse merde et il m'a montré son sexe et du coup j'avais été traumatisée, je l'avais dit à des copines à moi qui m'avaient dit non mais ça va, il te le montre, il va pas te le faire toucher donc calme-toi, mais j'avais dit c'est dégueulasse. Donc, ah ouais, coup, ça c'est un peu sale, ouais. Mais il te montrait son sexe? Ouais, il me montrait son sexe. Il était en face à la fenêtre tout le temps et en fait quand j'ai rentré chez moi, il baissait ses trucs et il me montrait sa bite. Et tu faisais quoi? Et là, je commençais à me tourner. Non, mais attends, je fermais, je lui faisais des doigts et tout. Au bout d'un moment, je m'étais excitée, mais j'avais trop peur d'aller taper et de lui dire t'es qu'un connard. Moi, c'est j'ai bon. Une copine, elle s'est retrouvée dans un ascenseur. Elle prenait son ascenseur avec un mec et le mec, il avait un grand manteau. Et en fait, elle était au 8e étage et donc du rez-de-chaussée au 8e étage, il a ouvert son manteau, il faisait regarde. Il avait rien, surprise. Il avait rien, ouais, et chaud. Elle est restée donc du rez-de-chaussée au 8e étage face à sa kikounette. Mais c'est un problème. Elle a hurlé, le mec, mais il lui a rien fait, hein, il lui a juste fait, regarde! Mais moi, il me faisait rien, en plus, il me montrait. Ouais, et j'aime ça. Merde. Et elle a été traumatisée, psychologue et tout après, parce que c'est quand même chaud, quoi. Et encore heureux, il a pas touché. Bah oui. Donc je fais un appel à témoins. Il avait un petit sexe voilà. Roux. Ouais, ah, Mika. Tu étais où en 95? Bah, il était là-bas. Hein. Ouais, bah, voilà. Ouais, c'était moi. C'est ça, tu exactement. Dans c'était un lui. Ascenseur. Ouais, bon, allez, appelez-nous si vous voulez discuter avec nous ce soir. 01 55 64 13 24. Bonne nouvelle. Le 28, c'est-à-dire non pas demain, mais après-demain, c'est grève. Oh, ouais, ils ont annulé ces connards. Je savais même pas qu'ils avaient repris. Ah ouais? Ah, ils ont annulé les avions de nouveau, ça y est, c'est grève générale. Le 28 novembre? Ouais, ma mère devait rentrer. Elle devait rentrer le 28 et ils lui ont annulé l'avion. Attends, c'est jeudi ça? C'est jeudi, ouais. Non, mais attends, je pars à Marseille. C'est ce que j'allais dire. Ah bah oui, mais tu pars pas jeudi à Marseille, donc ça va, t'es tranquille. Non, je pars samedi matin. Ah bah alors, ça va, t'es tranquille, samedi, ça ira. Non, ça devrait aller. Le week-end, ils font pas grève en général. Ouais, ouais, ça dépend, hein. Ouais, mais bon, ils préfèrent sinon, pas manifester quoi. Ils préfèrent aller à Euro Disney. Ouais, ou sinon tu vas à pied. Sinon tu demandes le scooter de Fredo à prêter, hein. Bien t'es sûr, là en 14-15 heures. Ah bah oui. Mais il faut que tu te fasses la même coupe que lui d'abord. Ah ouais, ouais c'est impératif. Sinon le scooter ne démarre pas. Là, je suis pas loin, mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas loin. C'est vrai. Non, mais 14-15 heures en scooter? Mais tu mets beaucoup plus. Ben ça dépend. Oui, ça dépend quel scooter c'est. Si c'est un 100 km, t'es à 100 km/h. Tu mets 7 heures en caisse. Si ça t'as un scooter avec le mien. Ah non, mais là, c'est pour ça que tu dis, tu prends celui de Fredo. Le tien, t'arrives pas à Charleville-Mézières. Il tombe en Ardennes. Non, 125, je pense que tu mets, ouais, 15 heures. Charleville-Mézières, c'est en haut dans les Ardennes de la frontière belge. Bah, non, je suis en haut. Tu passes pas du tout par là pour aller à Marseille. Je trouve ça stylé de placer Charleville-Mézières dans des discussions. Ouais, je suis allé à Charleville ce week-end. Non, mais c'est mieux quand c'est la route, tu vois. Oui. Voilà, tu vois, mais moi, j'aime bien Dijon comme nom de ville. Dijon. Dijon. Dijon, ouais. Carpentras. C'est la ville de Christophe Maé et Christophe Martichon. J'embrasse, il m'écoute tous les soirs. Mais t'as des noms très très durs, hein. Mais Martichon et c'est Christophe Maé. Regarde, Martichon. C'est son vrai nom. C'est Christophe Maé. Non mais d'accord, mais Martichon. Et sa voix c'est et son nom, hein. Il y a et sa taille aussi. Ouais. Ouais. Ouais. Il est compliqué, quoi. C'est bizarre. Bonjour, Christophe Martichon. Ouais, ça me fait pas bander, hein. Ah oui, ça a moins de cachet tout de suite, hein, ouais, c'est clair. Ouais, c'est sûr. Bon, on parle dans un petit instant de Google. Bah oui, parce qu'ils sont encore là aussi. Ils ont lancé un nouveau système. Alors déjà, ils ont lancé la téléphonie, là. Ils ont trouvé un nouveau système aussi à propos de voitures. On en parle dans un petit instant. Ne bougez pas. Et puis on va se mettre du son aussi ce soir, hein, avec qu'est-ce que ça se mettre Mike Posner maintenant, Cooler Than Me. Et si vous voulez nous parler, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre journée, si vous avez une petite anecdote à nous dire, 01 55 64 13 24. Vous pouvez également faire un mail mikl@goomradio.com. Cooler Than Me. Non mais t'es un ouf, Mika, là. Quoi? L'autre, il dépose un morceau de pain d'ail sur la table du studio. J'ai l'impression qu'il m'a mis une gousse d'ail sous le nez. Non mais c'est pas l'odeur. Ça. Non mais l'odeur, j'adore l'ail. C'est juste qu'il a déposé ça, c'est dégueulasse quoi. Mais tous moi les j'ai micros, un cran envie de lui croquer là. Oh, la teub. Non, l'ail. Tiens, croque-moi ça. Croque. J'ai envie de te croquer la gousse d'ail. Ah, quoi que, je sais pas où est-ce qu'il y a le moins de microbes. Hein. Ah, mais sur sa bite. Si, j'ai sur son sexe, t'inquiète. Bah, tu sais pas, ça va pas, non, quoi. J'ai une hygiène parfaite, irréprochable. Je me douche au moins deux fois par semaine. Mais ça t'empêche non, pas. Non, mais c'est pas l'hygiène. Tu peux te laver les mains super souvent, il te reste des microbes dedans quand même. Et bah, Mickey, il se lave souvent le kiki dans le lavabo. Non, c'est pas vrai. Arrête, non, ça, c'est juste quand, avant qu'il ait des. Tu sais que ça, quand vous m'avez raconté ça, c'est-à-dire que je n'avais jamais imaginé ça de ma vie dans ma tête. Et quand vous m'avez raconté ça, ça m'a traumatisé. Mais t'es obligé de. Je me suis dit que tous les mecs qui étaient passés chez moi, ils s'étaient lavé leur bite dans mon lavabo. Et ça m'a mais traumatisé. Tu peux dire le pénis, ça m'angoisse de t'entendre dire bite. Pénis dans le lavabo. Moi, je l'ai déjà fait chez toi, je crois. Tac. Chez toi, je crois que je l'ai déjà fait. Moi, j'ai déjà fait aussi une fois, je crois. Et chez moi, toi, d'où t'es venu chez moi? Pierre, il s'est frotté contre mes draps, par contre. Ou alors, c'était peut-être la nuit quand il rêvait d'être chez toi pour mettre une cartouche, du coup. Ah, mais Pierre, c'est chez SS, je crois. Il s'est frotté, il s'est lavé la bite chez toi. Mais Pierre, dès que tu l'invites à manger, il va se laver la bite. Pierre, j'aurais bien aimé qu'il se la frotte. D'ailleurs, je le dis en toute franchise, j'ai pas me lavé les mains avant de manger, mais la bite, on sait jamais. La bite, c'est important, avant les mains, putain. Non, mais il faut. Bah oui, il faut. Mais c'est vrai, en plus, Emily. Vraiment, en plus. Ah, non, mais lui, je suis sûr que c'est vrai. Mais oui, mais chez Mika, nous, on se lave l'abricot, hein. D'un point, c'est laver l'abricot. Elle est trop mignonne, elle voulait pas dire de gros mots. De quoi? C'est au Kärcher que tu te laves, toi. Mais ouais, il faut. Bah donc c'est en extérieur, il en a pas. Il y a la tondeuse, on a toujours un éléphant avec nous et on se lave avec sa trompe. Oh, c'est dur. Et on se prend la tondeuse. C'était drôle, ça. La tondeuse? Moyen. Ouais. Pourquoi la tondeuse? Pour la touffe. Ça s'appelle la géopsychothérapie. La géopsychothérapie. Non mais c'est horrible. C'est horrible quand même, ce con. Putain. Ah, le problème c'est qu'elle va pas jusqu'au bout des choses, donc elle rigole et puis. Mais bon, tu rigoles. Ça s'arrête. C'est horrible ce concept d'aller se laver le pénis chez quelqu'un dans son lavabo. Bah, attends, mais ouais, mais c'est. Mais attends, non, c'est bien, Mika, mais c'est bien. Non, mais attends. Il y a que Mika qui attendez, le fait. Attendez, si à un moment, il y a un moment où vous êtes le mec, il pense qu'il va peut-être éventuellement conclure. Bah ouais. Autant qu'il aille se la laver, vous préférez sucer un mec qui pue de la tobe. Mais non, mais je trouve ça bien. Moi, je vais te dire un jour. Pourquoi tu dis c'est horrible et après tu dis mais non, c'est horrible. Moi, je vais te dire un jour. Le mec avec qui je suis sortie, j'allais pour lui faire une gâterie au niveau du une sexe. Gâterie, alors ça et c'est Blair ce aussi d'appeler ça gâterie. Il m'a tiré les cheveux en me disant non, elle est pas propre. Oh merde. Oh, ah, c'était Florian. Et du coup, j'étais comme ça. Ah, bon, écoute. Non, cool. Mais Florian, il m'a respecté. Était sincère, il m'a respecté. Non, mais t'as couché avec lui après quand même. Oui. Bah, parce qu'il est parti dans la tête. Il est parti se laver. La teuve. Bah, et après t'y as été. Après j'ai refait l'amour. Mais ça t'a pas dégoûté que le mec il claque ça? Non, au début j'étais fanée parce que je me la pétais, cheveux au vent et tout, j'allais waouh. Et il m'avait non. Je suis sûr que tu l'aurais fait même s'il était sale. Ah. Mais non, parce que sinon je l'aurais si. Fait. Bah, si tu l'aurais fait normal. Mais excuse-moi, il reste encore quelques petits morceaux de pâte. Oh. Ah. Mais quand tu dis des trucs dégueulasses tout à coup, c'est con parce qu'il aurait eu du pain, j'aurais pu me faire une merguez avec. Hein. Ah bah c'est ça, il reste un peu de mozzarella. Oh là là, c'est bon appétit le corps. Il y a Audrey qui dit bon appétit, bien sûr. Bah bon appétit à toi Audrey, si tu vas manger comme ça, on sait jamais. Hein. Y a Nadia qui dit qu'est-ce que vous racontez ce soir les filles, surtout Cécile. Bah elle aime ça Cécile quand c'est sale. Ah non, mais c'est pas vrai, ça me dégoûte. Comment s'appelle cette jeune fille? Elle s'appelle Audrey. Audrey. Tu dis juste que l'espace de soi-même aussi. Est difficile à décrire. Quoi. Mais bien sûr, et c'est bien pour ça que les mecs doivent se laver dans leur lavado. Non, mais à la base, tu te laves chez Watt, mais c'est vrai que, imagine une soirée qui n'est pas prévue. Voilà, si t'es sur le point de conclure. Machin, bon. Tu t'es tapé une journée de taf, tu sors, nana, resto, tu vas boire des verres, machin, truc, qui est en boîte, 5h du matin. Ouais, t'as pas allumé des clopes. Hein. De quoi? C'est vrai que là, ta teub a pas allumé des clopes. Tellement qu'elle est virulente, là. L'horreur. C'est normal, c'est de l'hygiène. Mais encore une fois, je suis pas le seul à le faire, parce que c'est Pierre qui m'a initié à ça. Ouais, j'ai dit, Mika, la teub dans le lavabo direct. Ouais, t'es ouais. Pote, et là, il se badigeonne au savon de Marseille, comme ça, sur le gland, là. Oh, merde, arrête. Et puis, une fois que ça mousse bien, il arrête. C'est, après, non, le mieux. C'est dur de parler tout le temps sexe c'est comme ça. C'est pas ça qui est le plus dur. C'est pas de se laver la teub, mais c'est de se prendre la serviette à main. Ah, t'as fait ça avec chez moi. Et moi généralement je prends les serviettes pour le corps des meufs. Moi aussi. Ou les serviettes de sang. Ah, mais t'es au courant que le lendemain elles vont s'essuyer le visage avec ça? Et ben c'est pas. Ouais, bah écoute, y'en a qui terminent avec pire. Mais attends, mais techniquement. Attends, mais en quoi ça te dégoûte? Parce que techniquement, s'il l'utilise pour s'essuyer, c'est qu'elle est déjà propre. Voilà, exactement. Oui. Non, mais d'accord, mais le lendemain tu te rinces après avec sale. Propre, et après tu t'essuies le visage. Tu mais vois, mais c'est propre quand même. Mais de toute façon, un kiki c'est toujours sale. Mais non, tu dis pas ça quand tu es dans le cul. Pierre, mais t'es bien gore ce soir. Putain, non. Tu me dégoûtes. Je préfère rien dire, hein, l'ignorance est le meilleur des mépris, Michael. Et ça se check. Il y a la douleur de la compulsibilité. Par contre, est-ce que vous vous lavez les mains? Dit-il en bouffant. Hein. Non. Ah, attends, quoi que c'est le sujet, je m'en fous, je mange. Hein. C'est clair, ils s'en branlent. Non, est-ce que vous lavez les mains avant de toucher une console? Bah, pas toi. Est-ce que vous lavez les mains? Attention, il y a quelqu'un par là qui pourrait arriver à tout moment. Oh, c'est pas grave. Vas-y. Ouais, est-ce que vous lavez les mains avant d'aller aux toilettes, c'est-à-dire avant de toucher votre tub? Bah oui. Normalement, c'est une fois avant, une fois après. Bah, alors, en théorie, ouais. Après, déjà, et franchement, déjà, c'est pas mal ceux qui le font après. Parce qu'il y a beaucoup qui le font pas du tout. Mais mieux le faire avant qu'après, parce qu'après, ça sert à rien. Hein. Je veux dire, tu te touches. Non, mais d'accord, t'as les micros. Non, mais ouais, bah, si après, tu tiens ta teub, tu vas aux toilettes et tu te laves pas les mains, si après, je veux dire, tu serres la main de quelqu'un, tu manges le pain à l'ail de Mika, là. On non, mais tu vois, c'est dégueulasse. Bah non, ça fait partie des sujets importants quand même. C'est les sujets de la vie, ça. Bon, dites-nous, tiens, si vous avez déjà eu des surprises, les mecs et les filles, au niveau des odeurs et de la propreté de certains de vos compagnes, ouais, ou compagnons. Je suis en train de me dire qu'il y a des mecs qui sont essuyés leurs gags sur le truc avec lequel je me lave le visage. J'ai envie de pleurer et de me faire un peeling. Oh, écoute, mais un peeling à l'acide en fait. Non, mais il y a pire comme problème. Ouais, ouais. Ça abîmerait ton joli visage, Émilie. Je sais. Il paraît que c'est bon pour les boutons, hein, quand il en reste un petit peu. MJ n'avait plus aucun bouton. Oh. C'est vrai. Bon, on parlait de Google aussi, je vous en avais parlé. Donc si vous voulez réagir par rapport à ça, si vous avez déjà des petits conseils, enfin pas des conseils, mais si vous êtes déjà arrivé des trucs rapport à la propreté de votre copain ou de votre copine, hein, ou si vous avez déjà vécu des trucs, 01 55 64 13 24 ou alors bah vous nous écrivez, hein, mikl@goomradio.com. Voilà, et puis sinon je parlais de Google, c'est donc Google qui a annoncé durant le week-end qu'il était en train de tester des voitures totalement automatisées qui se conduisent toutes seules. Ils auraient déjà parcouru par, apparemment plus de 200 000 km en Californie sans conducteur. C'est génial ça. C'est-à-dire que pour l'instant t'as un ingénieur qui est dans la voiture, mais bon il touche à rien et tout se fait automatiquement. Il est juste là au cas où ça part en couille. Avec le système GMAPS. Chez des nains en fait. Je sais pas comment ça s'appelle. Tu sais, avec leur peux dormir, avec, tu crois avec leur cartographie là. Ah ouais, avec leur cartographie, ils ont eu un seul pet et c'est un mec bourrasque qui leur est rentré dans le cul derrière. Là. Ah oui, là tu peux pas savoir évidemment. Ouais. C'est le seul pet, donc c'est ouf quoi. Je veux dire, c'est super. C'est super. Ça roule tout seul, c'est fort. Ça roule tout seul. Enfin ouais, mais perso je le prendrai pas demain moi quand même. Parce que autoroute A4 mec 130. Non mais bien sûr. Le truc qui se bloque ou il veut pas tourner. Non, t'as des capteurs de mouvement à droite, à gauche, sur le côté. Mais imagine-toi une erreur du tableau de bord interne. Ah ou un virus. Non mais tu sais que je suis sûr que en cas d'accident, ce qui risque plus d'arriver, c'est une erreur d'un conducteur. Tu vois la preuve. Il y a pas eu de problème, sauf un mec qui lui est rentré dans le cul à la voiture de Google. C'était extérieur au final. Ouais, mais l'informatique, ça a toujours des soucis. Ouais, mais regarde un avion. Je reprends cet exemple-là parce que je m'y connais un peu. L'avion en général, quand il y a un problème, c'est pas un problème informatique ou un problème mécanique. C'est toujours un problème du pilote. Qui fait une erreur parce que après je dis pas, tu vois, t'as beaucoup de pression. C'est vrai que quand t'as un bug ou t'as un problème, t'as pas non plus 10 ans pour réfléchir à ce que tu ferais. Bon, tu dois réfléchir comme ça ou du tac au tac. Et donc parfois tu prends la mauvaise décision ou tu fais un truc, t'as pas réfléchi, t'as mal imaginé ce qui pouvait arriver. Et donc ça arrive. Enfin, la majorité des accidents sont dus à une erreur de pilotage ou une erreur humaine. Non mais tu vois, plus on avance, non mais plus on avance et plus la vie des hommes, des humains, on les confie quand même aux machines. Parce que là, pour le coup, tu vois, l'erreur peut être humaine certes, mais tu confies quand même ta vie à un robot de merde. Ah oui, oui. S'il y a un virus, s'il y a un truc, eh ben tu crèves à 200 à l'heure, quoi. Mais un peu comme la ligne A14 à Paris. C'est vrai qu'elle est automatisée. Et les métros à Lyon aussi. C'est contrôlé par des mecs qui sont. Non, mais c'est contrôlé, mais pour l'instant, c'est contrôlé. Mais quand même, s'il y a une erreur, c'est bien sûr. J'aime trop la 14, moi, je me mets tout devant, je me colle et je fais comme si je conduisais un vaisseau spatial. Bah, tu peux faire ça aussi dans les. T'as les. Direction, merci! Les métros ou les petits trams, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais tu sais, ceux qui sont dans les aéroports, là, tu sais, qui font les navettes entre les différents terminaux. Ah oui. Ça aussi, il y a personne dedans. Il y a personne. Mais moi, je le cherche, le mec. Bah, il est pas là. Tu vas toujours le chercher encore. Il est pas là, ouais, c'est ça. T'as le temps de chercher, hein, à ce niveau-là, t'es tranquille. Non, mais c'est, hein. Je trouve ça bien, on avance dans moi, la vie, il y a des nouvelles technologies. Des mecs. C'est le futur. Ouais, des clones. Non, mec, même putain, en acier. T'imagines deux pierres. Oh, l'angoisse. Ah ouais. Ah, moi, j'aimerais bien avoir deux pots de pierre. Très angoissant, hein. Un, c'est cool, deux, c'est mieux. Bah, c'est Fredo qui serait content d'en avoir deux. C'est encore plus bruyant. Un, pour le prix d'un seul. Ah ouais, pour le coup, ouais. Ou pas, hein. Ou pas, ouais. Après, déjà ça. Un seul, ça lui casse déjà les pieds, là. Après, ça reste à voir, hein, ça reste à voir. Bon, dites-nous, tiens, si vous feriez ça, si vous prendriez comme ça des voitures, justement, s'il n'y avait pas de conducteur, c'est genre les taxis? Non. Ah pas, ouais, moi. Taxi, c'est ouf. Je prendrais pas. Mais en même temps, non, avec ce qui s'est passé il y a quelques années avec chacun son tour, pardon. Cécile. Il y a quelques années, il y avait des taxis violeurs, donc je préfère me faire ramener par un robot. T'imagines, tu te fais violer par un informatique. Tu mets ma carte mère dans le cul, là. J'ai mis un virus, hein, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Si demain ça existe, nous, on sera pas habitués, mais nos gosses, bah, ils vont être nés avec ça. Du coup, ça va être leur. Nous, on peut pas, parce que demain, tu me dis, je prends un taxi qui a pas de chauffeur, je te dis, bah non, bien sûr. Mais des minots qui vont être habitués, comme maintenant pour eux, internet, ouais, pour eux, c'est normal, naturel, quoi. Voilà. C'est comme d'aller au bar et de se taper une cuite avec un pote robot qui te sert la dernière bière, quoi. Ce serait trop bien. Vous avez trop vu. C'est la mienne. Bah, tu as foutre. Voilà. Non, mais c'est comme aujourd'hui, tu parles. Moi, j'ai un neveu, une nièce. Je veux dire, je lui parle des cassettes. Il me dit, quoi? Ah oui, oui, mais ça, c'est. Et moi, je fais le robot en soirée. Bon, ça n'a rien à voir, mais. Non, là, pour le coup, ça n'a rien à voir. Non. Regarde. Oh, tu le fais en mal. En plus, c'est radiophonique, ouais. Hein. Ah ouais, bah là, c'est très radiophonique. J'espère que vous voyez bien, là. Tu le fais mal. Hein, quand vous êtes au top de la radio, là. Moi, je le fais. Attendez, Mika le fait aussi. Toujours au top de la radio. Je le fais trop bien, moi. Vous faites, mais tous les deux, trop mal. Non, ouais, non, je sais que je le fais bien, mais là, je l'ai pas fait. Ouais, là, t'as pas donné. Ça valait bien la peine de faire un truc non radiophonique si en plus c'est pour le mal le faire. Et volontairement. Ça, tu m'aimeras jamais. C'est ça le pire. Non, jamais, non. Mais je repense à ce que tu disais. Tes neveux. Ah, bah, c'est pas mal déjà. Tes neveux doivent être choqués quand tu leur parles de cassette. Ils sont pas choqués, mais. Ils doivent se demander de quoi tu parles. Non, mais cassette vidéo, ça va. Ils savent encore ce que c'est. Ça y est, pas de problème. Mais la cassette audio. Et le vinyle, alors le vinyle, ça n'a jamais existé. C'est pour ça que je me suis fait tatouer une cassette audio, comme ça j'aurais. Je pourrais expliquer à mes enfants ça représentait quoi et pourquoi je l'ai fait. Mais c'est bien, c'est qu'après tu pourras te rajouter des petits tatouages de poussière au-dessus là. Ouais. Tu vois comme parce ça. Que c'est la fin. Bah c'est la fin, ouais, carrément. Mais oui, ça y est, je vous l'ai dit hier, Sony a déclaré qu'il ne produirait plus aucune cassette. Ils ont arrêté le Walkman. Pourtant, ça avait été vendu à 220 millions d'exemplaires. Oh là mais là. Ce qui est dur, c'est qu'ils ont quand même mis, ils ont attendu 2010, tu vois, pour enlever ce truc. Ouais, c'est ça. Ils ont bien arrêté Lara Fabian aussi. Je veux dire, ouais. Et Céline Dion, ça y est, maman. Elle a été malade, deux Lara Fabian. Céline Dion, elle a accouché à Floride. Elle a même pas accouché chez elle. Pour le prix d'un, elle a eu deux bébés, c'est ça cool. Ça fait deux bébés Dion, dis donc. Hein. Mais elle a accouché dans la forêt, elle, avec la tronche qu'elle a. Non, en Floride, elle a accouché. Elle les a sortis par le ça nez, va. Je crois. Ah, bah ça, je sais pas par où elles sont sorties. Elle a un gros nez. Bon, dites-nous tout ça, donc on vous attend. C'est sur mikl@goomradio.com pour nous envoyer vos messages et vous laisser votre numéro. Sur le Facebook également, facebook.com/mikl officiel ou au 01 55 64 13 24. Dans quelques instants, il y aura B.O.B. avec. Qu'est-ce que je vais mettre Magic. Non, Magic, quoi. J'aurais bien mis Airplanes, ouais. Can we pretend that airplanes in the ouais, bah, mais Airplanes. Non, pour un coup, c'est vrai qu'on met toujours Magic. Ouais, c'est vrai. Je peux donner une chanson que j'ai envie d'écouter, B.O.B. avec Kylie tu Williams, c'est non, la chanteuse mais... de Paramore, hein, pour ceux qui cherchent qui est la fille. Paramore! Un nouveau son qui est trop bien, c'est Grenade de Bobby Mars, j'allais dire rien à voir. Bruno Mars. De Bruno Mars? Ouais, Grenade. Ah, bah, on l'a passé vendredi. Ouais, mais il est génial, je mais vais l'écouter. Mais il est génial, nous étions les premiers à le passer, c'est t'as vrai, une très vrai. Bonne idée. Et le seul problème, c'est qu'on était les premiers aussi à faire des vannes de merde, donc, surtout à elle, surtout toi. Sur Bruno Mars, j'ai dit, c'est ce son qui va péter. Il percute là, je suis désolé. Oh, mais je sais pas ce qu'il a, mais je pense qu'il est amoureux de moi parce qu'il a tellement de mais là, on aurait pu dire Bruno vient de Mars et les femmes de Vénus. Allez, envoie le son. C'est vrai. Bon, et puis on aura aussi l'appel, la journée internationale. C'était quoi hier encore de... Alors hier c'était on avait rediffusé la ah bah oui c'est vrai hier on avait fait une rediff ouais B.O.B. donc bah très bien bah du coup ce soir on va se refaire encore une rediff je sais pas laquelle si vous avez envie d'en écouter un en particulier bah balancez hein, vos messages ça se passe donc sur Facebook facebook.com on entend tu sais qu'on entend oui on entend tout je me dis qu'est-ce qu'il parle il est en mode offensif clénienne le mec mais comment on m'entend je me dis c'est normal c'est le micro du corse là il chuchotait alors c'est ça et je me dis après de courir l'émission il fait une balle ou quoi regarde et je lui dis j'entends il me fait genre c'est normal t'as le casque dans le studio j'entends rien allez restez là on revient dans quelques instants et dites nous aussi tiens, si vous avez déjà vécu des problèmes de propreté avec votre mec ou votre meuf on en parle tout à l'heure restez bien là ça fait du bien aussi ce petit B.O.B. là de temps en temps B.O.B. avec Hayley Williams donc la chanteuse de Paramore c'était Airplanes et ça a démarré là Saint-Etienne face à Bordeaux toujours 0-0 c'est la 6ème minute de jeu donc on suit ça évidemment avec attention toujours 0-0 également pour Montpellier-Ajaccio 1-0 pour Valenciennes-Boulogne et puis 0-0 toujours pour Monaco-Lorient voilà si vous avez pronostic allez-y vous balancez justement vos messages j'ai peur que ça aille un petit peu planté parce que c'est la 31ème minute sur tous les matchs depuis un petit peu trop longtemps je trouve ouais ça fait bizarre ah bah oui là pour preuve c'est la mi-temps donc 1-0 pour Montpellier ouais, c'est bon un ça. Petit bouton rafraîchir qui marche plus du tout sur ce site pourri là 2-0 pour Valenciennes et puis Monaco 0-0 face à Lorient voilà il faut qu'il gagne Monaco hein. Ah bah on va allez, voir allez Lorient ah. Allez, Lorient et puis c'est là ça c'est très dur parce qu'il y a c'est au niveau de l'Espagne le Real Murcie je sais pas où c'est qui joue contre le Real Madrid 0-0 à la mi-temps quand même je ne sais même pas ce que c'est le Real Murcie tu connais ont... pas mais t'es un culte ouais bah ça doit être ça le Real Murcie c'est très joli comme Murcie, région ouais c'est Murcie c'est à côté du Real Boursin ouais ça c'est pas drôle ça aucun lien je sais pas pourquoi j'ai dit ça non pas là non plus on t'a essayé ouais bah essayé le principal c'est d'essayer on est bien d'accord. Tu peux pas toujours être drôle, quoi, tu vois. C'est non, bien. Non, c'est non. Cool. Là, t'étais ouais. Pourri, par exemple. Mais toujours, parfois, t'es drôle, ouais, c'est cool. Ça arrive, parfois, ouais, ça arrive. Bon, il y a Mlle Marion qui avait envoyé un mail par rapport au problème de propreté des mecs. Qui dit salut Mike, j'envoie ce mail à propos des problèmes hygiéniques d'un mec. En fait, l'année dernière, en cours d'anglais, un mec s'était mis à côté de moi. Mais dans la colonne du milieu, je l'ai regardé 2 secondes. Et pendant ces 2 secondes, il avait sa main dans son caleçon. Et pas dans son pantalon. Il a ressorti sa main et a fait genre de rien. Et l'a senti, c'était écœurant. Non, énorme. Ne crie pas, Emile. Énorme. Et je priais pour qu'il l'ait pas senti. C'est ce que fait Mika souvent aussi. Non. Si. Mec, je vais te dire un truc. En fin de journée, t'as bien sentir le. Ouais, t'es boules. Un grand malade mental, toi. Non, ça, je le fais pas. Et je vais te dire un truc, mec, parce que t'essayes de me niquer. Hier, il vient nous voir au fond, là-bas, à l'open space. Mais genre, à 10 minutes de l'émission, hein. Et je sais pas ce qu'il avait, il était excité, il faisait le con, là. Et d'un coup, mais c'est pas que le mec se fout la main dans le calbar, se gratte, il nous dit, tu vois, avec l'index, je gratte, et là, je sens. C'est Pierre? Pierre. Et d'un coup, il fait ça, il fait, oh, ça pue la top, tu veux sentir? Oh. Et il nous courait après, s'enculer avec son doigt, là. C'est vrai. Il est dégueulasse. Tout est vrai. Tout est vrai, toute cette histoire est vraie. Après, je me suis lavé la tête dans le lavabo de chez moi. Moi, j'avais surpris un mec, et c'est véridique, c'est pour ça que je cherche sur mon téléphone. Il était en train de se s'astiquer, et il m'a sorti cette phrase. La distorsion de l'espace était si centrée seulement autour des organes sexuels. Donc, j'ai compris que c'était normal que les ados se paluchaient. Mais moi, j'ai toujours pas compris cette phrase. Mais moi, j'ai pas compris, mais le mec, il m'a dit ça, c'était genre trop en mode. Non, mais le mec, il m'a dit ça. C'est souvent le coefficient de Pythagore. Non, mais le mec, il m'a dit ça en mode ferme-la. Mais c'était ton prof de maths. Non, c'était un jeune. Il s'appelait Gianni, je peux dire son nom et tout. Il avait 17 ans et je lui avais dit ferme ta gueule, t'es en train de te chouger. Il m'avait sorti cette phrase d'un philosophe, je sais pas qui c'était. C'est beau. Voilà. Mais ça veut rien dire. Vous l'avez jamais sorti avec des filles. Bah non, en gros, ça veut dire que son point de gravité, son centre de gravité, c'est ça. Et du coup, il se touchait souvent son centre de gravité pour savoir si il allait pas tomber, quoi. C'est dégueulasse. Oh. Mais vous imaginez des filles faire ça en classe. Mais vous grattez des fois la boule aussi. J'avais deux filles au collège devant moi. Hein. Les bonasses de la classe. Elles se touchaient. J'ai dit qu'une fois, elles s'étaient touchées. On était derrière avec mon pote. On était boutonneux, lunettes et tout le bordel. On était autant te dire les gros geeks du bordel. Ouais, non, pas moi, mais bon, lui, ouais. Et du coup, on était juste derrière eux, derrière elles, et on était pas bien du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles faisaient? Bah, elles se touchaient, mec. Mais là. On était en 5e, 4e. Mais elle se touchait sexuellement pour se faire du bien ou juste Non, elle se touchait comme ça, 2-3 soleils. Non, mais elle se touchait virtuellement pour s'exciter le dindon. Non, chacune son truc. Ah, chacun son. Et nous on regardait comme ça, on faisait. Ça t'embrouille. Oh. Non, mais ils ont fait des photos, tout ça. Tu faisais quoi? Direct. Oh. Non, mais il était au taquet, hein, tu m'étonnes. Bon, on en parle dans quelques instants. On va parler également de sextoy. Apparemment, il y en a de plus en plus de gens qui utilisent ça, pardon, voilà. Moi, j'en avais un, j'ai essayé de le faire marcher. Il n'a jamais marché, donc je l'ai jeté à la poubelle. Il faut changer les piles. Moi, j'en ai eu un à mon anniversaire de Pierre et Mika. Ouais. D'accord. Bon, on parle de tout ça dans un petit instant. Si vous avez déjà testé aussi les sextoys, bah, venez nous en parler. Donc, ça se passe au 01 55 64 13 24. Et puis, ça marche aussi sur les mails, hein. Écrivez-nous par mail si vous voulez. C'est gratuit comme ça. mikl@goomradio.com. Puis, ce que je propose, c'est qu'on écoute, maintenant la journée internationale. Paul le Poulpe. On fait Paul le Poulpe? Ben, ouais. On va pas se le dire. Mais non, mais hier on avait passé celui d'avant-hier, ah oui, avec Paul le ouais, on va se faire Paul le Poulpe. Il faut rendre hommage à cette petite bestiole. Exactement. Qui est morte. Exactement. Bon, allez, du coup, j'ai appelé une poissonnerie. C'est parti pour Paul le Poulpe et but de Saint-Étienne. Bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Magazine Thalassa, le magazine de la mer. Oui. On a besoin d'un témoignage de personnes qui sont attachées à la mer, comme vous. Oui. Ouais. Bah, alors, je vous explique le sujet. Allô, monsieur? Oui, je vous écoute. Ah oui, d'accord, ok, bon, très bien, alors je vais faire court. Aujourd'hui, on a appris la disparition de Paul le Poulpe. Oui. Et en fait, on a besoin d'un témoignage un peu poignant d'une personne qui serait attachée à ce poulpe. Vous avez entendu l'histoire de Paul le Poulpe? Non, pas du tout, non. Eh bien, c'est le poulpe qui avait fait toutes les pronostics sur la Coupe du Monde. Ah, bah il est mort, il est quoi? Eh bien, il est mort aujourd'hui, il est décédé ce midi. Et alors, donc en fait, nous, ce qu'on a besoin, c'est quand on va faire le sujet de vendredi prochain, on va prendre des témoignages et on va dire, et aussi les poissonniers étaient très attachés à Paul le Poulpe, on écoute. Mais non, franchement, non, bah non, moi je suis pas attaché au poulpe, hein. Je préfère une gonzette, hein, mais bon. Non, mais bien sûr, non, mais c'est juste de dire quel destin funeste pour Paul le Poulpe. Moi j'avais beaucoup d'attachement pour lui en tant que poissonnier. Ah, mais bon. Non, c'est pas mon truc, je joue pas avec ça, non. Non, mais vous voyez à peu près le... Ouais, non, sinon... mais je vois, mais je veux pas que ça à foutre, j'ai autre chose à faire. Non, mais vous voyez, juste le papier, mais c'est juste un truc d'angle, hein, monsieur, hein, c'est pas non, méchant. Non, c'est bon, ça m'intéresse pas, merci. Alors, Paul le Poulpe est mort, et j'en suis vraiment... vous pouvez pas juste dire ça? Non, c'est bon, y a pas... Mais comme ça, on le fera au montage, nous, dans le sujet. Non, c'est bon, je m'amuse pas à ça. Mais si Paul le Poulpe est mort, et c'est une grande disparition pour moi qui en vendais. Non, c'est bon, merci. Au revoir. Non, monsieur, s'il vous plaît. Non, je joue pas avec vos conneries à la con. Mais c'est c'est Thalassa. Un foutre de poulpe, moi, t'aurais été une gonzesse, mon encore à la rigueur. Mais c'est des trucs de poulpe, hein. Il est mort, j'y passe, moi. Eh ben, c'est un pauvre poulpe qui était. Il était adoré dans le monde entier, Paul le Poulpe. C'est des conneries, tout ça. Mais il était adoré dans le monde entier, le poulpe. J'ai du travail, monsieur, je veux pas que ça à foutre, moi. Non, mais d'accord, mais dites-moi juste, simplement. Non, Paul, je dis à rien, j'en ai rien à branler. Paul le Poulpe est mort et j'en suis vraiment désolé. Ouais, ce mec s'en branle. Vous avez compris quelque chose? Non, limite une gonzesse, moi j'ai compris. Ouais. Mais le reste, je déteste les mecs qui disent gonzesse. Ouais, mais ça avait été une gonzesse. Tiens, il y a Il y a Marie qui dit je préfère une gonzesse, au moins c'est clair. Oui, bah ça c'est sûr, effectivement, ouais. Le mec il compare une poulpe, il compare le poulpe avec une meuf, quel con. Oui, c'est dur pour le poulpe, pour paix à son âme. Oui, c'est ça. Rien à voir, un poulpe, une meuf. Ouais, et Malory qui dit aussi RIP, Paul le poulpe. Oui, bah oui, c'est en vrai. Si ça avait été ma belle-mère, si je le compte. Bah, c'est surtout dommage. Si ça avait été ma belle-mère, à la limite. C'est surtout dommage pour la Coupe d'Europe, quoi. Bah, oui, parce qu'on aurait bien voulu savoir. Ah, bah, c'est ça. Putain, ouais, pour les côtés match et tout, là. Par contre, il était où, ce connard de poulpe, là, à Berlin, non? Ouais, Berlin, ouais. Il était à Berlin? Ouais, non, il était en Allemagne, dans une région de l'ouest de l'Allemagne. Et ah, il y a dans un aquarium. Il y a pas eu un autre animal, il y avait Paul le poulpe et je crois qu'il y avait un crocodile. Je sais pas si c'était c'est un crocodile, mais je sais qu'il y avait un truc, ouais. Mais Colette renard. Un renard Colette. Non, un oiseau, je sais pas quoi, il y avait un autre animal, c'était en Espagne, ça, cette fois-ci. Ah, c'est ouf. Ouais, ouais. Je sais plus ce que c'est. Bah, je sais plus non plus. Bah oui. Et il est mort de quoi, Paul le poulpe? De vieillesse, je crois, hein. Trop de stress. Oui, trop de stress, ouais. Trop de journalistes, trop d'informations. Il était c'est vieux. Dur. Bah ouais, je sais, ouais. Qu'est-ce qui t'arrive, Cécile? Non, rien, je suis contente. Ah bon? Quelle paillette. Ouais. Allez, faut que tu le dises maintenant. Mais non, aucun rapport. Mais si, tu vas le dire. Si, elle a reçu un texto. Non, aucun lien entre elle a reçu un texto d'un homme. Est-ce qu'on doit pas parler? Ça va, ce te dire avec ça. Oh là là. Mais alors, ne me tiens pas avec ça, mais toi si, non plus. Alors, c'est quoi? Un problème. Avec rien, avec Émilie, je lui parlais d'un truc et c'est arrivé enfin. Ok, c'est le beau gosse des Vegas. Mais non, pas du tout. Bon, tu veux que je te dise, j'avais pas mes règles, je voulais les avoir la semaine dernière, je les ai eu là, donc je suis contente. Donc ça veut dire que t'es pas enceinte et tu t'es pas fait tirer pour rien. Voilà. Putain, c'est bon ça. Bon, allez, je voulais pas en parler, c'est tout. Il y a un message qui est arrivé aussi, encore de la maison de Marion, qui a envoyé le premier déjà par rapport au mec qui avait des odeurs bizarres et qui faisait des trucs bizarres. J'ai oublié de te dire l'année dernière, un autre mec s'est branlé en cours de maths, alors qu'il était tout devant, juste devant le bureau. Une fille l'a vu, il l'a regardé et a quand même continué. Mais elle était dans une classe ou dans un zoo? A priori, ce serait dans une classe, hein, mais en cours de maths, branle, mais ça bizarre. Reste à prouver, hein, cela dit. Vous l'avez vraiment déjà fait tous les trois, là, ou tous les quatre? Non, on se branle à l'école, non, bah non. Dans un zoo, non. Non, mais même. Il y a Audrey aussi qui dit, c'est qui va manger Paul le poulpe? C'est moi, je vais le faire rôtir à la poêle avec des petits oignons, ça va être bon. Non, c'est pas rôtir. Non, Mika avait un statut assez drôle ce matin, cet après-midi. C'était quoi? Non, à la plancha, faut vous faire ça. Avec du citron, il est. Bah oui, c'est terriblement bon, le poulpe grillé. C'est trop bon, le poulpe. Moi, j'aime bien le calamar. Ah, j'adore. Les supions, c'est des petits poulpes, ça. Mais c'est bizarre parce que à l'intérieur il y a une sorte de laitance dégueu là, un truc. Non, tu confonds ça avec. Mais si, les petits. Non, calamars. Non, ça, oui, c'est le, pas oui, du le, poulpe, le, Pierre. Le poulpe, il y a des. Il y a un truc blanc ouais, là. C'est ça. Il fait blanc, des jets. Je le sais parce que bon, je le pêche en Corse. Je le pêche avec un trident. Non, mais quand je le mange, j'ai pas de jets. Non, merde. C'est Poséidon. C'est vrai. Avec un petit trident et un chiffon blanc. Et quand tu le prends, que tu le captures, quoi, il fait comme des jets, c'est pas de l'encre, c'est un liquide blanc, il a raison, Pierre. Ah, comme mais du, non, mais comme quand tu le manges. Non, quand tu le manges, il n'y a pas quand ça. Quand tu le manges, il est mort, il va pas être craché à la gueule. Non, voilà, mais quand tu l'attrapes vivant. Ah, vous avez jamais mangé cru, vous? Le plus important, c'est que le Corse le pêche. Ouais. Oui, je crois que c'est ça qui est le plus important, effectivement. Avec un trident, phrase, surtout. C'est, oui, aussi. Imagine, ouais. C'est une fourchette. C'est Zeus, le mec. Il va quand même barbare. Avec son jean déchiré en short, tu sais, genre le mec qui s'est perdu sur une île. Il faut que de Lost. Treillis, chaussures de pêche, c'est des bottes. Et des grenades tout autour. Ah, j'aurais bien vu le Corse, moi, dans Lost. Ouais, ça aurait été énorme. Ou même dans Koh-Lanta maintenant. Tu sais qui me fait penser, le Corse? Je sais pas si vous suivez, c'est plus une série de filles Desperate Housewives. Ah non, moi je suis pas au ça. Au blond non. Là. Ah non, ne me dis pas le mari de Linette. Non, pas du tout. Celui qui sort avec. Avec la brune. Non, j'arrive pas dans mon histoire. Bon, elle est bah, c'est pas grave. Comment elle s'appelle? Il a tué à la dernière saison. Bah c'est bien. Ah bah c'est bien. Comme ça t'as flagué tout le monde là, donc. Tu regardes Desperate Housewives. Bah peut-être comment que j'ai regardé un jour. Oui, je regardais un peu quand c'était sur Canal, que j'étais riche et que j'avais Canal. Je regarde. Bon bah tu sais plus. Bah, réfléchis. Pourquoi tu sais pas? Pourquoi tu cherches pas le nom avant? Parce que je pensais que ça allait me revenir. Ah bah non, là pour le coup c'est raté. Ça, elle a tout le temps ça. Ou alors elle raconte la fin d'une blague avant le début. Non, c'est la fin. Ouais, c'est un film. Bon, on parle des sextoys aussi dans quelques instants. Vous balancez vos messages si vous en avez déjà utilisé, mais plus forcément. Parce qu'aujourd'hui il y en a plein des sextoys. C'est plus forcément le truc phallique. Tu sais, c'est les bicanards. Ah non, ouais, c'est clair, les petits canards. Donc ça vibre quoi. Donc dites-nous si vous en avez. Et puis maintenant, il y en a qui sont fiers. Hein. Ils le mettent comme ça, tu sais, en déco à la limite. Tu vois, avant, tu planquais ça sous les vêtements, dans une armoire, tu sais, pour que personne ne puisse tomber dessus. Au final, maintenant c'est plus forcément le cas. Sur donc si vous en avez déjà utilisé, 01 55 64 13 24 ou alors mikl@goomradio.com. Oui, on a la réponse. J'ai trouvé Eddie Britt et c'est le mari d'Eddie Britt. D'accord, on est dans Desperate Housewives. Voilà, c'est tout. Je pense que les fans de Desperate vont reconnaître la personne à qui tu me fais penser. Écoute, merci Delphine pour ces éclaircies. J'espère bien. Bon, et puis il y a un message aussi de Méline aussi qui dit coucou. Moi, en cinquième, j'avais un gars qui s'astiquait en cours d'anglais. En plus, je sais pas pourquoi il faisait ça, car notre prof avait la cinquantaine d'années. Peut-être qu'il pensait à toi, Méline. Oh, il avait des cougars. Quel homme. Qui sait. Non, bah, on sait jamais. Putain, on sait jamais. C'est jamais. Allez, on se met un peu de son maintenant. Je mettrai bien un petit My Chemical Romance. Ah oui, na na na na. Avec na na na na na na na na na na. Rappelons qu'ils sont concert le 1er novembre. Oui, avec Goom Radio, c'est lundi. À la Cigale. Moi, j'y suis. Exact. Bon, on verra ça. Oh là là. On verra si tu es. Ça, tu vas pas me laisser partir, je vais me capturer. Bah non, mais bon, t'es pas payé pour aller voir des concerts. Le mec, il m'aime jamais, et juste lundi, il va me dire non, tu restes à l'émission. Dans les soirs réfléchir. Il aurait raison parce que moi, il m'a dit tu restes avec moi, donc toi aussi, tu restes. Non, non, c'est pas que tu restes avec nous ou avec moi. C'est là, on fait l'émission, quoi. Ouais, mais toi, Cuba, les Bahamas, Moi, je fais l'émission en direct de là-bas parce que moi, je travaille. Mais bien sûr, l'émission en du concert. Ah bah oui, avec le boucan d'enfer là, ça va être bien. On tiens. Te rappelle, on entend. Ouais, ouais, c'est ça. C'est avec le truc qui va faire un boucan d'enfer. Allez, My Chemical Romance maintenant, c'est na na na sur Goom. My Chemical Romance à l'instant avec na na na, son que vous avez découvert sur Goom Radio. Ils seront en concert donc effectivement, c'est lundi le 1er novembre avec Goom. Ce sera à Paris, puis on aura des places à vous filer aussi dès ce soir si vous voulez choper ça. Vous y allez maintenant, vous nous envoyez un message. Message par exemple au 01 55 64 13 24. On a deux places à vous filer pour aller écouter en exclu total avec Jenali le nouvel album de Jenali. Et puis donc deux places pour My Chemical Romance. Vous me faites un mail donc mikl@goomradio.com. Et puis on essaiera de vous rappeler tout à l'heure. Et puis il y a Marie aussi qui envoie un mail qui dit jamais qui cette année est derrière moi en philo. Il se branle assez souvent avec mes voisines, on ne sait plus quoi faire. Surtout lorsqu'il en profite pour faire quelques commentaires sur l'une d'entre nous. Il me fait assez peur. Quand même, mais dans l'ensouffrance, c'est l'hallucination là. Il y a un problème cette année à l'école, là. Tout le monde se branle. Tout le monde se branle. Ou alors tout le monde est mythomane. Ah, génération branleur, ouais. Ouais, peut-être. Ou alors c'est mytho de le dire. Ouais, ou alors c'est mytho, ouais. C'est peut-être. Mais bon. En même temps, nous dans l'open space l'après-midi, je les vois tous. Hein. Mika, Pierre et tout. Non, mais là, même maintenant. Hein. Oh, quelle horreur. L'horreur. Ah, chien. Bon, et au niveau des sextoys, tu utilises quelque chose? Bon, non. C'est pour les filles. C'est bon, Pierre, on a compris. Ça ira. J'ai joué. Voilà. Bah, dis donc, putain. Je serais une meuf, ça donnera envie. Hein. Wow. Bah, c'est pas mal, hein. Oh là là. Donc, tu disais, Cécile? Non, jamais. Jamais utilisé? Non. De sextoy? Bah, t'as dit que t'en avais reçu un pour ton anniversaire. Non, t'as pas de sextoy. C'est surtout qu'elle a dit, c'est les copines qui offrent ça. Elle a dit. On t'en a offert. Mais elle a dit qu'elle s'en était servie une fois. Non, on déjà. En a offert un il y a 2-3 ans. Je l'ai essayé, mais c'est vrai que ça m'a pas. Je t'ai dit, j'avais l'impression d'avoir mon jardinier qui tondait la pelouse tellement que ça faisait un bruit. Non, mais c'était parce que t'avais un judo, c'est ça. Faisait tarrin, non, franchement, et je trouve l'acte en lui-même, je le trouve ridicule. Elle devait faire comme une tondeuse, tu vois. Elle devait tirer sur une corde, faire démarrer le bordel et tout. Mais je suis sûr qu'elle dois préférer les boules de geisha, toi, non? J'en ai jamais mis, mais c'est quelque chose qui me tente. Je sais pas, je le sentais. Ouais. Là, il a regardé, il a dû voir Mammouth 7, là. Tu veux voir? Regarde! Regarde! Donc, il faut savoir qu'elle a écarté les jambes, mais comme elle a une jupe, le corps s'est tout vu. Ah bah ouais. Le corps s'est tout vu, là. Elle est bombée, hein, de la chatte. Oh, je m'en vais. C'est vrai, elle a encore une boule dedans, là. C'est inadmissible, je m'en vais. Je peux pas me laisser parler comme ça. Elle est bombée, de la chatte. Je peux pas me laisser parler comme ça. Non mais t'es gonflé, mais ça serait bien tu veux pas, que vous mais soyez t'as bombé quand même un double donc dans le cul et la chair. Oh Pierre, mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui là? Je sais pas, je sais pas. Coca parce que je suis outré. Mais je suis outré. Comment ça se fait qu'on aime comme ça la teub? Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Ah mais voilà, t'aimes les mecs. Bah, vas-y, explique-nous. Bah non, mais comment ça se fait que les meufs comme vous là, vous aimez à tout prix tout ce qui est sex toys, gros sexe? Pierre, je pense qu'il va falloir que tu ailles consulter un de ces quatre parce que c'est un rapport avec le sexe qui est pas du tout. Et mais ce qui est drôle, c'est que chez lui, ça donne une espèce de couille molle qui fait rien. Mais oui, je suis sûre qu'avec sa copine, il ne fait rien, il fait l'amour romantique. Ouais. Non, juste en missionnaire, maman. Tu sais ce que disait Verlaine? Et tu dois faire comme ça. Qui est là? Qu'est-ce qui se passe? On a du public. C'est complètement. Mais non, mais rien. Mais il s'en branle. Il regarde le foot. C'est complètement. Mais faux. Si vous êtes toute l'ande là et ça dans le fion et là dans le cul. Bah, et là, normal, là, tu te fais passer pour quelqu'un alors que je suis sûr que t'es romantique. Non, mais non, je suis pas que dalle, mais qu'il est romantique. D'accord, si tu veux, je pète les pattes arrière maintenant. Oh, c'est ça. Bah, que dalle, j'adore être romantique. Ouga, ouga, je suis un orang-outan. Tiens, il y a un message. Il y a Margot qui dit Pierre, t'es pire que Gore. Florian qui dit le Corse quand même. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Est-ce que t'es en manque? Ouais, le Corse quand même, t'es un peu trop vulgaire. Non, là pour le coup, effectivement. Non, franchement, surtout qu'on se connaît. pas depuis très longtemps et je voulais qu'on se découvre autrement quoi. Et y a Tania, ouais, parce que j'avais des sentiments amoureux pour toi et ça fait chier. Il y a Tania aussi qui dit moi aussi les boules de geisha ça m'intrigue. Bah si vous avez déjà essayé les filles, venez nous en parler hein, 01 55 64 13 24 ou alors sur mikl@goomradio.com. Si vous avez déjà essayé, bah venez nous en parler hein, qu'on sache un petit peu les sensations que ça fait, pourquoi vous avez essayé, comment vous avez essayé, etc. etc. Voilà. Ouais, putain, c'est simple que ça. Ouais. Mika, t'as déjà essayé, toi, tu peux en parler, hein. De quoi, les sextoys? Ouais, ouais. Non, une fois. Non, mais en couple, j'avais testé des trucs avec une nana. Mais c'est ça, bien. C'est bien, tu vois, de le faire à deux. Moi, je suis pour faire à deux que seul. Bah oui. Parce que seul, drôle. T'es là avec ton truc qui ressemble mais à rien. C'est plus bizarre que de te branler seul, tu vois. Ouais. Bah oui, c'est clair. Mais on peut se masturber différemment qu'avec un god, les filles. Non, mais bien sûr, mais j'ai pas le contraire. Je le fais pas, hein, mais. En revanche, il y a des trucs qui sont drôles, comme le truc à distance à télécommande. C'est très drôle. De quoi? Très très drôle. En réunion, c'est rigolo. Non mais c'est surtout ouais non mais quand tu fais des repas au resto avec des potes et tout machin. Ouais, en face de et toi. Et tu joues un peu avec ça. Ça et c'est t'as ta meuf en face de toi qui a le truc et toi la télécommande. Et c'est l'horreur parce que tu la rends folle. Ah oui, quand t'es au resto tout ça. Ouais, c'est drôle. Il y a pas un film c'est avec Sandra Bullock, je crois. Mais c'est ça qu'il a vu, Mika. Bullock. Ouais, Bullock. C'est possible qu'il y ait un film. Ouais. Elle prend le truc, elle fait tomber la ça me dit quelque chose, ouais, je l'ai vu, je crois. La manette. Et à un moment donné, c'est un petit qu'il trouve dans le restaurant. Il se avec la manette. Non, mais je fais un orgasme de fou. Je sais ce que c'est. C'est Miss Détective. Je sais pas. Oui, avec Sandra Bullock. J'adore cette actrice. Mais bon, tu le vois à un moment donné, elle est comme c'est ça. C'est excellent. Et d'ailleurs, tu lui ressembles pas du tout. Hein, c'est ça. Moi, j'allais dire qu'elle lui ressemblait un peu. Un peu, ouais. Non, elle lui ressemble pas du tout. Qui c'est si, Sandra Bullock? Non, elle ressemble pas. Mais dans le bus Speed. Non, je ressemble à Neve Campbell. Dans le côté obscur. Neve Campbell, arrête un peu, t'avais dit ça vendredi déjà, là. C'est pas non plus la lue, c'est pas flagrant, quoi. Ça, tu ressembles bien à Ted, toi. Mais je vois pas le rapport. Franchement, j'ai encore regardé How I Met Your Mother et je trouve pas que je ressemble à Ted. Arrête, tu es fan. Pourquoi? Parce que je suis brun. Oui, bah alors, il y a plein de monde qui ressemble à. Tu sais que, et quand elle me l'a dit, j'ai dit rien à voir et tout. Mais moi je l'ai dit il y a bien longtemps avant la folie de votre série là. J'ai dit je suis amoureuse de Ted et tout, Michael il lui ressemble pas du tout, sinon je vais faire un gros transfert, ça va me déranger. Et en fait je vois trop des mimiques qu'il a et que t'as. Et du pas, coup moi. Maintenant je t'aime. Ouais bah c'est pas gagné. Le transfert est fait. Hein, je te le dis directement. Tiens il y a un message qui t'arrive avec les boules de geisha, c'est également bien pour se masser le cou, Dixit American Pie 3. Oui. Peut-être, mais bon, c'est pas sa fonction première, quoi. Pour jouer à la pétanque aussi avec le grand-père. Ouais, pour jouer à la pétanque, quoi. C'est pas mal. Tu tires ou tu pointes. Remarque, si elles font la taille d'une boule de pétanque, faut se méfier quand même, hein, les filles. Faites gaffe. C'est un concept également à réfléchir. Ouais, tentez pas le délire, parce que c'est un truc qui fait des. Ouais, faut peut-être y réfléchir. Faut peut-être y penser. Donc, si vous avez déjà essayé les sextoys là aussi, venez nous en parler. Et puis, on va parler de mort dans un petit instant. Ouais! Elle est vraiment trop bien, cette émission. Mort et sexe. On parle de cul et de mort. C'est cool ça. C'est bien. Et si quand on même. Parlait de scatophilie après. Si on parlait du cul avec les morts, c'est trop drôle. Oh. Ouais. Vous voyez toujours aller trop loin. J'ai une histoire sur ça. Toujours aller trop loin. J'ai une histoire. Eh oui, mais on reviendra tout à l'heure. Ça s'appelle une légende urbaine. Eh ben, non, on va en parler dans un petit instant. Tout le monde raconte tout le temps les mêmes histoires. Faut arrêter. C'est comme alors, je peux juste parler de ça deux secondes des légendes urbaines. Vas-y. Parce que t'as tout le temps quelqu'un qui vient te voir et moi généralement c'est ma pote Dédé, elle vient me voir. Écoute, j'ai la copine d'une copine, il lui est arrivé un truc. C'est un truc de malade. Et on te raconte une histoire que t'as entendue il y a deux jours. Par exemple, l'histoire de la fille qui est dans le métro. Le concombre. Non, pas celle-là. Donc ça, c'était une amie à toi. Non. La meuf, par exemple, qui est dans le métro, qui monte dans un métro. Il y a des mecs qui lui disent dans un arrêt sur le quai, sors, machin. Le mec était avec une fille à côté de lui. Et quand elle sort, elle s'aperçoit que la fille à côté était morte et qu'il allait la tuer à elle. Ou alors l'histoire que Cécile va raconter tout à l'heure. C'est une légende urbaine et il y a tout le monde. Ça vous l'a pas fait ça qu'on vous raconte une histoire. Ouais, on m'a raconté une histoire de ouf dans un bus. Ouais, bah un proche, un très bon proche. Mais pour le coup, il avait pris ce bus-là, un bus de nuit dans Paris. Un noctilien, mais tu sais, genre qui craint quoi, le noctilien dans le foire où t'as tous les cassos qui arrivent, c'est pourras. Il y a tellement de bruit qu'il y a les pires sévices qui se font là-dedans à l'arrière, et lui s'était retrouvé à l'arrière, et c'est pas que la personne en face de lui s'est fait décapiter, s'il te plaît. Mais c'était ça, c'est l'histoire de mon métro en Australie. Ah bon, mais moi, c'est une très bonne pote à moi qui m'a dit. C'est encore une fois modifié entre vos deux versions, mais si c'est la même. Ça alors s'appelle que une légende urbaine. Ouais, bah, pareil, dans l'avion. Non, mais la personne qui te la raconte, elle te dit non, mais je te jure, ça m'est arrivé à moi ou c'est arrivé à mon cousin et tout. Sauf que c'est. Tout le monde a les mêmes histoires et celle qu'elle va raconter, ça je la connais. D'accord. C'est un mec. On va en parler dans un instant. Ne bouge pas, on va se mettre un petit peu de son là. Qu'est-ce qu'on va se mettre Black Eyed Peas, The Times, tous les ouais, soirs. La Soprano ça. Avec Hero. Grenade. Sopra okay. Qu'on écoute maintenant avec Hero et puis toujours 1-0 pour les Stéphanois face au Bordelais. 1-0 également pour Montpellier face à Ajaccio. Valenciennes 2-0 face à Boulogne et toujours le nul pour Monaco Lorient 0-0. Allez, c'est parti pour Sopra maintenant et Hero sur Goom Radio. radio. Et alors on vient d'apprendre un dos quand même, hein, c'est que le Corse collectionne les jeux de la Française des Jeux, les Gaules, mais perdant. Merci, j'allais le dire. Mais perdant. Mais pourquoi? Ben parce que si c'était gagnant, je les collectionne. Attends, parce qu'on dérange Mika là, qui est à l'autre bout du studio, en train sur Facebook, en train de raconter sa live. Tu pensais qu'on avait pas repris Mika? Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, c'est marrant, il parle. Oh, c'est le best of. Enfin, pour une fois que c'est lui, hein. Il est pas assidu quand même. Ouais. Je suis là. Il est là, ouais. Donc, mais pourquoi tu collectionnes un dos comme ça? C'est bizarre de collectionner quelque chose qui vous paraît rond. Ben, je sais pas. C'est depuis la création du goal, j'ai toujours gardé. Parce qu'avant, tu te la je sais goal. Pas. Si tu te rappelles, avant c'était le goal, c'était pour chaque club. Tu avais. Oh, merde, je sais pas. Je me souviens. J'étais pas. Il y a plus ça maintenant. Non, maintenant c'est des trucs des couleurs différentes. Mais avant, tu avais le. Oui, puis chaque goal. Lance, et voilà. Ah, et ouais, moi, j'ai fait la collection parce que je faisais en même temps la collection des albums Panini. Oh là là, ça y est. Il fallait les garder pour toi. Moi, j'avais les Crado. Oui, les Crado, ouais, je me souviens. Moi, j'avais Hélène et les garçons. Non, ça c'est dur. Moi, j'avais Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, c'est ce que j'allais dire. Dragon Ball Z, mais cela dit, j'ai fait Panini aussi. Hein. Ah ouais, mais c'est obligé, tous les garçons avaient Panini. Et c'était mignon parce qu'à la récré, ils s'échangeaient les étiquettes. Tu l'as, Chris Modèle, t'as Papin, arrête, j'ai Boli. Ouais, moi, je les voilà à mes frères et je les ai changés à des garçons. Ouais, tout ça pour te faire. Tu vas te calmer. Ouais, bon. Non, tu vas te calmer. Là, parce que tu dépasses un peu les bornes et ça me fait plus rire le Corse. Ah bon? Je vais te pas. Oh, genre. Elle va te frapper, hein. Ouais. Mais elle l'aime. Elle va te frapper. Je sais que venant de lui. Je me laisserai faire. Non, mais venant de lui, ça me fait pas de peine parce que je sais qu'il pense. Il se donne un rôle, il a besoin de se créer un personnage. Attends, cette mais équipe. C'est un pervers le corps, ça se voit sur sa tête. Non, c'est pas vrai. Lui non, aussi, je pense qu'il est romantique. Quoi? Romantique. T'as vu ce qu'il a dit la fois passée? C'était quoi que t'avais dit encore là par rapport aux gonzesses? Qu'elles fassent le ménage et la cuisine. Mais c'est, tu sais. Non, qu'elles doivent obéir ou je sais pas quoi. Mais il me fait penser à un Kinder, lui. Il est tout dur de l'extérieur et dedans, il est mou. C'est un Kinder Bueno. Il était dur avant d'arriver ici, si je peux me permettre. Mais non, c'est pas un Kinder Bueno. Mais non, il est devenu un petit peu plus mou. Et puis il a fondu au soleil. Ouais, avec les pizzas. Ouais, c'est ça. C'est un Kinder surprise. Ouais. Je suis quelqu'un de très affectueux. Ah. Et j'aime bien. J'adore l'affection. Oh. Oh. Viens, hug my petit little Corsico. Viens. Hug me. Oh, ils vont faire un hug. Ça y est. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? C'est dégueulasse. Range la merde. Il est mignon, je l'aime bien. Il est brave. Mais tout le monde l'aime bien, y a pas de problème. Non, tu l'aimes pas, Mika. Toi. Bon, alors la légende urbaine, alors d'Emilie, c'est quoi son dos? Non, c'est la mienne, de Cécile. Pardon, mais moi, j'ai la même pour le coup. Mais ouais, je laisse raconter. Vas-y. De toute façon, elle va raconter le début, puis elle va oublier la moitié. C'est ça. Donc, c'est pas vrai, mes histoires sont toujours excellentes. Je suis là pour te sauver. C'est une jeune fille qui est allée voir un gynéco parce qu'elle avait des démangeaisons vaginales. Donc deux trois fois elle va le voir, le gynéco trouve pas grand chose, il dit revenez la prochaine fois si ça s'arrange pas. Donc la prochaine fois, la fois arrive, ouais. Elle y va, il lui dit je vais vous faire des prélèvements. Donc il lui fait des prélèvements, il les envoie dans des laboratoires, ils font des tests et tout. Elle me regarde, oui c'est ça, vas-y, c'est continue. Ça. Et donc le jour J arrive, il rappelle la patiente en lui disant voilà il faut vraiment que je vous parle, il y a un souci. Donc elle se pointe, qu'est-ce qu'il y a? Alors elle pensait qu'elle avait le sida, elle pensait qu'elle était enceinte, elle pensait qu'elle avait des champignons, mais pas du tout. En fait elle avait attrapé, mais je me rappelle plus du tout le nom. Voilà. Elle a attrapé quoi? Juste le nom? Non, il lui dit pas ce qu'elle a attrapé. Il lui dit écoutez vous avez une maladie, mais la seule façon d'attraper cette maladie c'est en faisant l'amour avec des morts. Ou en faisant l'amour avec quelqu'un des gens qui sont nécrophiles. Voilà. Et son mec travaillait aux pompes funèbres. Oh. Et donc son mec baisait des morts. Et après il a baisé. Et sauf du coup elle a attrapé une... On a raconté cette histoire à Cécile en lui disant c'est arrivé à la cousine de ma sœur, donc c'est sûr. Et moi on m'a dit non mais moi c'est ma meilleure pote, donc c'est sûr et certain. Ah ouais. Et cette histoire. Et donc moi demain je peux le raconter, je dis que c'est mon exactement, meilleur pote. Exactement, c'est ce qu'il faut faire. C'est tu terrible. Dis que c'est le mec du Noctilien. Non, je dis que c'est Mika moi. C'est horrible quand même, non? Mais oui, c'est horrible. Elle est géniale cette histoire. Et pourquoi ils en font pas des films? Mais au lieu de faire légende urbaine et tout, tu sais, mais juste des petites scénettes comme ça, tu sais. Ouais, en mode Benoît Poulevard et tout, ça doit être énorme, quoi. Tu c'est vois, quand bien, il ouais. était professeur Manhattan. Ouais, ouais, ça c'était drôle, ça, professeur Manhattan. Bah, c'était l'humour noir poussé à l'extrême, mais c'est excellent. Là, il y a un message aussi. Alors, il y en a plein, hein, des légendes urbaines, là. Je suis tombé sur un site internet. La légende selon laquelle on mourait après avoir mangé des bonbons qui pétillent et juste après bu du Coca-Cola. Ouais. Ouais. C'est avec les menteuses, ça. Ouais. Non, pas pareil. Les bonbons que tu mets dans la bouche, ça fait. Ah, ça pétille, j'adorais ça. Avec ça. Du Coca, voilà. Ouais. Il paraît qu'avec du Coca, soi-disant. Alors, la légende selon laquelle chaque année aux États-Unis, lors de la fête d'Halloween, des enfants mouraient après avoir mangé des bonbons empoisonnés. Oh, ça, il doit y en avoir. Ça, c'est les mecs qui aiment pas les gosses. Allez, vas-y, bouffe, mon grand. J'en ai une note de légende urbaine. Vas-y. Celle-là, elle fait flipper. Once upon a time, a little boy. Non, alors, il était une, non, c'est pas, il était une fois, alors. Une babysitter, donc garde un enfant. Ah, je la connais. Elle est horrible. Oh putain, je la connais. Garde un enfant. Non, mais c'est une vraie histoire, ça. Non, bah alors voilà, je me demande si c'est une vraie histoire. Non. Arrête d'inventer, c'est pas du tout un film. Non, non, je crois que tu la connais pas. Mais il était là, peut-être le soir où on l'a raconté, c'était chez moi sur la terrasse. Après, je peux pas. Non, il était pas là. Nous, on était pas là, donc. Non, il était pas là. Du coup, donc, c'est une babysitter qui garde un bébé. Donc, elle descend parce que c'est une grande maison. Et à chaque fois qu'elle descend, le bébé se met à pleurer. Donc elle remonte une fois, donc le bébé se rendort. Deuxième fois elle descend, elle remonte, le bébé n'a plus sa couche. Donc elle s'est dit bon c'est un peu bizarre, comment il fait, il a 6 mois, il arrive à s'enlever la couche, c'est étrange. Elle redescend, le bébé se met à pleurer. Donc là elle appelle les parents en disant voilà je sais pas du tout ce qui se passe, votre enfant dès que je quitte la pièce pleure et dès que je retourne le voir pour le consoler ou la consoler, elle a la couche défaite. Défaite ouais. Ouais. Donc les parents lui, ben, je sais pas. Ils lui disent pas entre temps, mais elle est vachement longue ton histoire. Non non, ils disent mais vérifiez et tout. Non, je comprends pas. Elle refait la même chose. Moi, elle redescend. Je suis dans l'ambiance d'un feu de forêt là. Elle redescend. Et là encore le bébé pleure. Donc cette fois-ci elle monte, elle regarde autour dans la chambre et tout. Elle appelle la mère, dit voilà je comprends vraiment pas, votre bébé se met à pleurer dès que je m'en vais. Et en plus de ça, il arrive à s'enlever la couche quoi. C'est quoi le problème? Est-ce que ça lui a déjà fait ou pas? Et elle lui dit, ce que je comprends pas également, c'est, je pense qu'il regarde le clown qui est assis dans la chambre, et c'est vrai que ça fait un peu flipper, mais est-ce que vous avez l'habitude, de le laisser là avec l'enfant? Et la mère, elle dit, non, mais alors sortez tout de suite de la maison avec le bébé, parce qu'il n'y a pas de clown dans la chambre. En fait, c'est un mec qui est rentré dans la chambre du bébé, il s'est mis en mode clown, un peu comme E.T., il a fait dans la pièce. Ouais, comme ça, il est revenu, quoi. C'est le film, ça, en fait. Mais non, et du coup. Non, c'est pas dans le film. Non, c'est pas la même chose, je crois. Et donc, c'est pas dans le film. Et bref, le mec, est-ce que le clown après il est parti par le trou des toilettes? Non. Parce que là c'est dans le film. Tu sais que dans le film c'est ce qui m'avait fait le plus peur et j'avais peur d'aller faire pipi. Non mais du coup la fille elle est partie en courant avec le bébé et on n'a plus jamais retrouvé le clown, mais il avait fait ça à plusieurs maisons. C'est génial ça. Non mais ça donc voilà. Et moi ça arrive à des amis à moi aussi. Mais on a des amis tellement mythos, ça me fait peur. Ou alors tellement comment dirais naïf. Ouais. Et l'histoire, j'en ai encore une. Et vous la connaissez, celle qui m'a fait le plus peur, hein, c'était rends-moi ma jambe. Vous l'avez jamais entendu, celle-là? Ah non. C'était une meuf qui avait eu un accident de voiture, qui était morte. Et en fait, elle avait été quand même embroyée, sauf une de ses jambes. Du coup, ils ont gardé sa jambe. Et un mec qui est arrivé, qui avait eu également un accident de voiture, pas la même nuit, enfin si, peut-être la même nuit, j'en sais rien, ils lui ont greffé la jambe de la meuf. Mais non, mais tu plaisantes. Et du coup, la meuf, toutes les nuits, il entendait chez lui. Rends-moi ma jambe. C'est sûr. Rends-moi ma jambe. Et ça m'avait fait trop peur quand j'étais petite. J'avais peur qu'elle vienne me chercher ma jambe. L'histoire du clown, elle est terrible, je serais plus jamais babysitter. J'en ai une autre là, sur internet, là, l'accident de voiture aussi, mais apparemment c'est une autre. Donc apparemment c'est après s'être disputé avec ses parents concernant une fête à laquelle elle ne pouvait pas assister, une jeune fille décida malgré tout d'y aller. Elle partit de chez elle par la fenêtre de sa chambre. Arrivée là-bas, il fit la connaissance d'un jeune homme qui lui proposa de se rendre à une autre fête plus intéressante que celle-là. Arrivé, le jeune homme se mit à boire plus que de raison et la jeune fille lui demanda de la raccompagner à la première fête. Sur le trajet, un terrible accident se produit. Lorsque la jeune fille se réveilla, elle était dans un lit d'hôpital. Une infirmière lui annonça que son amie était décédée, ainsi que les deux passagers de l'autre voiture. Sentant que la mort arrivait, la jeune fille demanda à une infirmière de dire à ses parents qu'elle était désolée de leur avoir désobéi. Quelques instants plus tard, la jeune fille mourut. C'est pas fini évidemment, sinon c'est pas drôle. Lorsque des amis de la jeune fille se rendirent à l'hôpital juste après l'accident, un des deux demanda à l'infirmière si elle avait laissé un message pour ses parents. Cette dernière répondit que non. Intriguée par sa réponse, une autre infirmière demanda à sa collègue pourquoi elle avait menti. Elle lui répondit qu'elle ne savait pas quoi leur dire car les gens dans l'autre voiture étaient les parents de la jeune fille. Oh putain de merde. Non mais c'est une légende. Genre elle a buté. Oh, genre elle a tué ses parents quoi. Non mais parce que j'ai eu très peur parce que j'ai vu une lumière très étrange à travers la fenêtre, mais en fait c'était le reflet de la télé. Donc là c'est une légende urbaine ça aussi. C'est-à-dire elle a eu l'accident, elle les a tués. Mais non mais elle a eu l'accident avec. C'est-à-dire qu'elle était avec le mec qui était bourrasse. Comme elle s'est barrée, les parents ont pris la voiture pour aller la chercher et hasard comme par hasard, boum. J'allais me dire ça peut arriver, hein, c'est pas ça, mais. Mais c'est comme l'histoire, mais ça c'est un film. Je vais faire très bref. La meuf qui garde les gamins dans une baraque. Ouais. Elle garde des gamins et tout, le téléphone sonne. Donc elle le décroche, oui allô. Et là le mec fait je te vois, un peu à la Scream, tu vois, il la traque genre au téléphone. D'accord. La meuf, ouais. Elle flippe grave sa race et le mec appelle 10 fois, 15 fois. Ça dure 1000 ans à chaque fois, sauf qu'au bout d'un moment. Elle tire le rideau et elle jette un coussin, genre je dis un détail, hein, c'est pas ça dans le film, mais c'est pour vous compreniez, genre elle prend un coussin noir, tu sais, dans les mains, elle le jette sur le canapé. Et là le mec il fait pourquoi tu viens de jeter ce coussin sur le canapé. Donc là elle se met en mode stress de ouf parce que elle sait que le mec la voit. Ouais. Le mec rappelle en disant ha ha ha, je te vois, je sais pas quoi et tout. Elle appelle les flics. Les flics lui disent, mais ça c'est que dans les films, restez 60 secondes au téléphone avec le mec et on arrivera à savoir où il est. Ouais, je l'ai vu, je crois. Ça me dit quelque chose. Donc elle appelle les flics, le mec rappelle. Elle reste plus de 60 secondes avec le gars au téléphone. Elle raccroche avec le mec. Et le mec elle était reprend le double appel avec les flics. Et les flics lui disent sortez de la maison. Il est au premier étage. Donc depuis le début du film, en fait, le mec était dans au premier dans étage. Dans la elle maison. Regardé. L'histoire. Voilà. Et du coup, elle essaye de se barrer en courant. Et dans le film, forcément, parce que c'est un film à l'américaine. C'est un film qui a 30 ans, hein, mais ils l'ont refait là. Ah, mais c'est un film, mais c'est tiré d'une vraie histoire. C'est tiré d'une vraie histoire. Non, c'est pas Scream. Non, rien à voir. Et la meuf se casse et au final bon elle arrive à vivre et tout machin. C'est pas mais c'est bien c'est sûr, hein. Killer attends, ou un truc le, à la fin, le happy end américain. J'ai sauf peur. Que non la fin du vrai film initial et pas de celui qu'ils ont refait. La fin du vrai film et ben la meuf genre c'est marqué 30 ans plus tard, elle est chez elle avec ses gamins et tout, son mari se barre, tu sais il fait ciao chérie machin et là le téléphone sonne, elle décroche et c'est la même voix. Ouais, merde, putain, 30 ans plus tard, rien c'est drôle, que le ça. Bruit du téléphone dans ces films, il fait trop peur. C'est ouais. La vieille sonnerie pourrie là. T'as toujours un écho. Allô. Je te vois. Je te vois. J'ai encore une histoire, je peux la raconter. Après, on va d'abord. C'est trop bien. On va ça. D'abord se mettre le son. Qu'est-ce qu'on va se mettre comme son d'ailleurs hein. Et oui, le corps qui n'a rien The prévu. Times. C'est parfait. Bruno Mars, Grenade. Attends, laisse-moi réfléchir. Ah bah Neon Trees, tiens. Ah bah voilà, le Neon Trees avec Animal. Et donc si vous avez des petites histoires urbaines comme ça, des légendes urbaines plutôt nous raconter, allez-y. Donc ça se passe donc sur mikael@goomradio.com, mikael@goomradio.com ou alors le 01 55 64 13 24. Ça marche également si vous voulez sur le Facebook, facebook.com/mikael officiel avec Florian, il y a Margot, il y a Méline, il y a Cassou qui est dessus, il y a Jay aussi, il y a Tania, il y a Mohamed et puis tous les autres hein. Venez donc sur le groupe Facebook. Allez, Neon Trees maintenant, c'est Animal sur Goom Radio. Goom Radio, 20h-23h, on est là avec vos messages qui arrivent et puis message aussi qui est arrivé par rapport aux légendes urbaines. C'est alors il n'a pas laissé son prénom. Ah si, c'est Marion qui avait envoyé un message qui dit qui avait envoyé un mail même sur mikael@goomradio.com qui dit une jeune femme doit passer la nuit seule dans sa maison. Elle a pour seule compagnie son chien, son fidèle chien. Peu de temps avant de se coucher, elle entend un bulletin à la radio qui annonce qu'un fou dangereux s'est évadé de l'asile tout proche pendant son sommeil. Il lui semble entendre des bruits étranges provenant de la salle de bain. Elle sort une main du lit afin de vérifier si son chien est bien à côté d'elle. Son chien lui répond par une lèche affectueuse sur la main. Le lendemain matin, la jeune femme va dans la salle de bain et trouve son chien égorgé. Ah, je l'ai eu, sur le miroir, il était écrit « Les hommes aussi peuvent lécher oh ». Voilà. Oh bah, c'est excellent. Ça, c'est... Ah, c'est excellent, ouais. Tu voilà. Flippes bien ta race comme il faut. Voilà là. Pour les légendes urbaines. Si vous en avez d'autres, allez-y, balancez mikael@goomradio.com. C'est la mi-temps aussi pour les Stéphanois, là, 1-0 face au Bordelais, 0-0 pour Monaco-Lorient, 3-0 pour Valenciennes face à Boulogne, et puis toujours 1-0 pour Montpellier face à Ajaccio. Ah putain, il reste 12 minutes là pour les Monégasques. Ah, il faut qu'ils gagnent. Ah, bah, je te confirme, surtout que j'ai mis 5 euros dessus là. C'est vraiment malheureux que ce serait Lorient, vraiment malheureux. Quoi, hein. Comment tu perds face à des Lorientais quoi. C'est, bah, très c'est dur. C'est ça. C'est, je te confirme, c'est très très dur en effet. Et puis, bon, et puis toujours 0-0 pour le Real Murcie face au Real de Madrid. Ça c'est improbable. Hein. Ça y a un c'est problème. C'est la 80e minute là. Ils ont mis l'équipe G. Ils ont mis les moins de 16 ans, ouais. Ouais. Du Real Madrid. Peut-être, ouais, c'est peut-être. Improbable. Ouais. Bon, d'autres encore légendes ouais. Urbaines. Moi c'était en Corse, mais c'était pas une légende. Moi c'était. C'était vraiment arrivé. Ouais, ça m'est vraiment arrivé. C'est pas une légende urbaine. Le Corse, c'est parce que j'en ai parlé. Antenne, c'est à côté de Calvi à Zilia, c'est des petits villages. Et en fait, faut bien imaginer que c'est genre la montagne, enfin le maquis. Quoi. En Corse, et en fait, c'est t'as la route, t'as la montagne qui tombe d'un côté et la montagne qui remonte de l'autre. Enfin voilà, la route, y a que ça. Et si t'as pas de genre de lampe torche ou quoi, qu'il y a pas de lune, tu vois rien. Ouais, et en fait, c'était un soir de pleine lune, l'été. On sort donc il y a les balles de village. Et t'es en voiture ou à pied? À pied avec mon pote. Et c'est genre à 3-4 km de village en village. Et on y va à pied à l'aller. Tu vois, on était super jeunes, 12-13 ans, mais on boit quoi, allez, 5 Jet 27, on était refait pour tout le week-end, on était bourrasse, tu vois. Et tous les gamins de Corse, qui nous racontaient qu'il y avait, genre, à la pleine lune, le violeur de Zilia, genre. Ouais. Et donc, nous, on revient à pied à notre village. Le violeur de Kassan, pardon, du village. Et on revient à pied, bon, on s'en fout du nom du village. Et on revient à pied. Et, je sais pas, on fait genre un seul kilomètre et on entend un espèce d'hurlement de cri de femme, mais vraiment. Non. Et là, au lieu de machinalement se barrer en courant et de, tu vois, Moi je fais le bonhomme, genre. Donc je me mets sur le petit muret au bord de la route comme ça, j'avais mon skate, je fais ça comme ça et je vois une lampe torche, tu sais, qui balayait en bas, et d'un coup la lampe torche qui m'éclaire la gueule. Mais non. Et on se met à courir comme des merdes. Donc on retourne vers le village là où il y avait tout le monde, mmh, et on court, moi je cours le long du muret comme un espèce de malade mental, et là je regarde et je vois qu'en fait le mec nous suit en courant en contrebas en fait avec mais la lampe torche. Et on court, j'ai on court, peur. On court. Ouais, non, mais on s'est chié dessus. On court, et là, on croise le frère de mon pote. Il était tellement arraché d'alcool que le mec, il était en scout, il s'était endormi là. Et t'as une espèce de pierre qui sépare les routes à ce moment-là, en fait. Et il s'était calé sur la pierre, et nous, on se jette dessus. Enculé, on va mourir et tout. Et on se retournait, et en fait, on voit rien et tout, et on n'a jamais su ce que c'était, en fait. Ah, tu me l'as raconté, si. Ah, t'as jamais su, en plus. On n'a jamais su ce que c'était, mais toujours est-il que, bah, genre, personne n'a disparu, machin. Mais que, alors, soit on s'est dit, bah, c'est grosse joke des gamins qui avaient 12, 13 ans de notre âge qui voulaient nous faire une connerie. Ouais. Mais ça m'étonnerait parce qu'on s'est quand même barré bien avant eux, et il faudrait que les mecs aillent se faire chier à faire 2 km à pied, croiser dans les champs pour venir nous faire chier, et qu'en plus. Imiter le cri d'une femme, etc. Ouais, imiter le cri d'une femme, non, que nous on ait le réflexe en plus chose de regarder, machin. C'était pas sur la route, quoi. Et donc je pense que c'est vraiment quelque chose. Mais quoi, je sais pas. Mais chez nous, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Ouais. C'est pas des légendes. Hein. Moi, je me rappelle, on s'amusait pareil au village dans un parking, et tout noir et tout. Et on nous disait que chaque été, c'était le 30 juillet, c'est ça. 30 juillet, il y avait la Dame Blanche qu'on appelle. Ouais, voilà. Je connais, ouais. Oui, comme nous et à la Gineste. Un jour, on était là, on s'amusait, on disait, 30 juillet, super, on va tous là-bas, on dort là-bas, on se prend des sacs de couchage et tout. Et on attend. Et donc, on attend, on était avec mes amis du village, tout ça. À un moment donné, minuit et demi, on voit une lumière blanche avec comme de la fumée, tu vois. Ouais. Un truc de fou. Et on voit apparaître une ombre blanche. Écoute-moi. La Dame Blanche. Je sais pas si c'était la Dame Blanche, mais le truc est irréel. Mais toi, t'as vachement, tu crois vachement à ça. Mais moi aussi, j'y crois, oui. Ah ouais, moi pas spécialement. Hein. Ouais, non, Dame Blanche. On en parlera aussi. Est-ce que c'est quand le 31 du coup? Dans un quand? C'est 31 octobre. C'est 1er novembre. Oui, 31 octobre, c'est Halloween. 1er novembre, c'est la Toussaint. La fête des morts. Ouais. Ah bah, on parlera de ça, c'est parfait. Et moi, je vais te raconter un truc. C'est la fête des morts. On va les fêter. Bah, enfin, oui, façon de parler. Moi, quelle horreur. Non, mais moi, je vais te raconter. Vas-y, Émilie, si tu veux avant. Parce que j'en ai plein des légendes urbaines qui sont et à mon avis, on n'aura pas le temps de tout faire ce soir, donc effectivement, ça me paraît un bon plan de remettre le couvert le 1er novembre. On pourra se déguiser ? Non. Bah, toi, t'es déjà déguisé, c'est bien. Moi, je vais me déguiser en citrouille. Ah bah, si pas tu sympa, veux. Mika, ça me gonfle, parce que dans tes yeux, j'aime bien être belle, et en ce moment, je t'aime, toi aussi. Oh, c'est dur. Non, c'est pas vrai. Je me déguise, en fait, mais de moins en moins ici. Bon, du coup, c'est moi qui prends la place. Et donc, c'est les campeuses au niveau des légendes urbaines, là. Trois jeunes filles, très amies, décident de partir faire du camping dans la forêt. Elles partent donc et s'arrêtent à l'orée de la forêt, non loin de l'autoroute, et installent leur campement. Au milieu de la nuit, une des filles veut aller aux toilettes. Trop effrayée pour aller dans la pleine forêt, elle décide d'aller aux toilettes situées sur l'autoroute. Elle part donc, laissant ses amis. Déjà, c'est bizarre, parce qu'en général, une fille, ça se dit, ouais, tu viens avec moi, on va à deux, quoi, tu vois. Même en boîte, on demande d'aller avec une copine, ouais, donc dans la forêt, je crois que je vais y aller. C'est ça. Mais la jeune fille en question ne revient pas. Inquiète, ses amis continuent à l'attendre, mais trois longues heures passent. Oh, merde. Ses amis, trois heures, tu vois. Un gros caca. Ses amis se résolurent à aller voir aux toilettes ce qui retenait tellement leur amie. Elles y vont et ils la découvrent assise sur les toilettes, un pieu lui traversant le ventre. Non. Ah, je croyais la chatte. Elle était pas terrible celle-là, hein, parce que le coup des 3 heures, tu veux, bof, quoi. Mais un pieu quand même. Ouais, un pieu, non, mais d'accord, mais 3 heures, tu sais, quand t'es là, même si tu fais pas spécialement attention, 3 heures, c'est long, quoi. Et puis un pieu, ça crie quand même. Tu pars pas chercher ton ami avant 3 heures, quoi. Mais oui, non, mais c'est ça. Moi, ça va faire 3 heures, je pense que là, elle a vraiment la chasse, donc on va la voir. Si tu te marres avec tes potes, des fois, t'en oublies. Elles étaient 3 heures. Elles étaient 3 meufs. Tu dis pas une demi-heure, peut-être une heure et encore. Mais moi j'ai faisais un camping, j'ai dormi dans une tente et mon sac de couchage, mais je pense que c'est les gens de ma tente m'ont dégagé, c'est-à-dire que je me suis retrouvée en bas de la colline et mais ça a été horrible pour moi et j'en ai même parlé à mon psy quand j'allais voir un psy. En fait, je me suis enfermée dans mon sac de couchage, c'est-à-dire que j'ai passé la nuit en essayant de sortir mon sac de couchage parce qu'il y avait un espèce de gros con qui m'avait fermé tout entière pendant que je dormais, il m'avait fait rouler. Et j'ai passé tout le temps, mais j'ai envie de chialer. Mais c'est pas vrai. Je te jure. Ça veut dire que t'avais dévalé toute la colline dans la colline. Et j'avais tellement peur et de, tu sais, dans l'excitation, alors que la fermeture éclair était juste au-dessus de ma tête, et je trouvais plus la fermeture éclair, et je suis restée, je pense, de 4h du matin à 6h30. Mais tu plaisantes. Mais j'en ai parlé, c'est à cause de ça, je suis claustrophobe maintenant. Ah bah ouais, tu m'étonnes, c'est comme si de rester dans ta tombe mais pendant 1000 ans. De 6h. Merci Pierre, parce que tout le monde mais se marre. C'est tellement vrai. Mais tout le monde se rigole, ça fait trop peur. Mais voilà, de 6h, j'ai pas vu l'heure parce que je perds du tout repère. Calme-toi. J'ai perdu tout repère. D'aller au fond du saut. Et j'ai senti quelqu'un me pousser. Mais j'ai toujours envie de chialer, c'est un traumatisme. On m'a un peu poussé. Et genre, peut-être de 4h à 6h30, je faisais maman et j'étais loin de mes parents parce qu'on était en colonie et je trouvais plus la truc. C'est quand même un truc barbare, ça, de pousser sa pote. Non, mais moi, je le pire, c'est dans la mer, mec. Tu veux ça, dans l'eau, en pleine mer. Allez, on se barre ou pas là? Non, et du coup, je m'étais réveillée, mais en sang, quoi. Et j'avais dit, c'est qui le connard? Et on m'avait dit, c'est toi qui es somnambule, t'as dû bouger et rouler. Et j'étais un peu grosse, donc j'ai dû rouler dans la colline. T'as dû bouger et rouler. Ouais, et t'enfermer toute seule dans ton sac, et c'est toi qui t'es mis du PQ dans le nez, et qui t'es planté un couteau dans le dos aussi. C'est toi. On t'a vu faire, ça craquait, Jocelyne. Imagine, je me serais fait attraper par un loup, un buff. D'ailleurs, il a bouffé, hein. Mais oui, non, mais bien sûr. Il aurait appelé ses potes, hein. Je peux très bien. Mourir à bouffer par une vache, quoi. Bah, qui sait, ouais, qui sait. Bon, il y a plein de légendes urbaines qui arrivent, là. On en parlera parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire ce soir, mais on en parlera, à mon avis, dès lundi, puisque ce sera le 1er novembre. Non, mais elle raconte sa vie pendant 2 heures, elle prend des chemins, mais elle là. Elle était trop bien, son histoire. Ah, bah ouais, mais enfin, bon, si tu veux. Regarde. Non, mais je suis pas bien. On peut parler d'autre chose, j'étais traumatisée, là. Bah très bien, bon parlons d'autre chose. Qui autre a des légendes urbaines? Moi j'en ai une. Allez Pierre. Mais elle est gore, mais je sais pas si je l'ai déjà raconté. La nana qui est chez elle là, et elle appelle les urgences pour dire venez vite. Elle était à son chiotte là, et elle a une douleur au ventre mais de ouf. Et la meuf, elle a eu une perte de sang, tu vois, plein de sang. Ouais. Et elle avait pas ses règles et tout. Et donc elle appelle directement les urgences. J'ai peur. Pour venir et tout, elle pouvait plus quitter son chiotte là. Elle était dessus. Elle fait j'ai mal au ventre, je suis dans mes toilettes, je peux plus bouger. Si je bouge, j'ai l'impression de des coups de poignard dans le bas du ventre et tout. Ils arrivent, les sapeurs pompiers, les urgentistes, j'en sais rien là. Et quand une fois qu'ils arrivent, ils la trouvent morte sur son chiotte, la meuf, morte sur son chiotte avec une mare de sang dessous. Et donc ils essayaient de savoir pourquoi, comment ça se fait qu'elle était morte. Et en fait la nana, ils ont vu plein de cassettes zoophiles au-dessus des trucs là. Et en fait la meuf, elle se mettait des queues de langouste dans la toche. Des queues de langouste. Ouais, et ça j'avais déjà raconté. Et au final, elle a eu plein de petits bébés crevettes dans son pH neutre. Plein de œufs qui ont éclos comme c'est un pH neutre dans sa lunette. Et ça a pris, mais comme elle avait 300 ou 400 et tout, et jusqu'au jour où ça a éclos, et là, boum, c'est parti, elle a eu une douleur de ouf. La meuf, t'es marinée lente dans sa chatte. J'ai envie de vomir, là, tu Et parce ça. Que les mecs, ils ont trouvé en fait une queue de langouste dans les. Oh, mais plus jamais je bouffe des huîtres, moi, t'es malade ou quoi? Et il y avait des cassettes zoophiles, donc la meuf, elle s'excitait avec une queue de langouste. Bah oui, non, mais les huîtres, c'est vivant quand tu manges, ça. C'est dur, des trucs. Non, c'est dégueulasse. T'as vu ce que c'est une crotte de nez, une huître d'où ça va pour quelque chose. Moi, j'ai vécu un autre truc dans un cimetière, mais je l'ai raconté là. Tu l'es caillé. Oh, bien sûr. Bon, qu'est-ce que t'as vu dans un cimetière, toi? Mais je sais pas si je la garde pas pour. J'ai vu une tombe. Ah bah, garde-la. On fera ça le 1er novembre. Moi, j'en ai plein qui font trop peur. Non, aussi, mais moi, j'ai vécu et ça, je me suis vraiment fait. Je connais les feux follets. Mais c'est ça, ça m'est arrivé. Bon, on va le dire. On parlera de ça le 1er novembre. On va passer à autre chose. On va parler des morts aussi, donc dans un petit instant, hein. Oh, tu me diras, c'est pas vraiment passé à autre chose. Mais bon, j'en avais parlé juste avant. On parlera de ça. On va revenir également avec un Allemand et on va parler d'argent aussi. Bon, ça faisait longtemps. Oui. Voilà. Après, on va parler aux aïeux aussi dans quelques instants. Et puis, si vous avez des légendes urbaines, ben, vous nous envoyez ça, mikl@goomradio.com. Et puis, on va, comme ça, on va pouvoir en parler, le 1er novembre. Voilà. Et puis, on revient sur le foot. Là, c'est les dernières minutes pour Montpellier-Ajaccio, 1-0 pour Montpellier. C'est également les dernières minutes pour Valenciennes-Bologne, 4-0 pour Valenciennes. C'est également les dernières minutes pour Monaco-Lorient, 0-0. Et puis, c'est la reprise, là, de Saint-Etienne face à Bordeaux, 1-0. Et c'est la 46e minute. Voilà, comme ça, vous savez tout. On se met la pub derrière. En speed, on se mettra Rihanna, Only Girl in the World. Bah, il faut envoyer, là. Qu'est-ce qui fait le corse, alors? Only Girl. Eh, bande d'enculés de monégasque. À cause d'eux, j'ai perdu 5 euros, là. Quoi, ils ont... Quoi? 0-0. Valenciennes a gagné 4-0. Et Montpellier a gagné 2-0 face à Ajaccio. Donc, Valenciennes, c'était face à Boulogne. Et donc, pour les matchs de soir, là, reste encore les Stéphanois qui gagnent face à Bordeaux, là, avec un but à 11e minute. C'est la 52e actuellement, donc Saint-Etienne, Bordeaux. Demain, nous allons rire. Marseille, Guingamp. Oh bah là, drôle. Oui, très bah drôle. On n'est pas la vraie qui perd, hein, je te rappelle, Carcassou. Je pense. Mais c'est ça qui va être drôle. Ah bah d'accord, ouais. Mais donc, attends, Paris-Lyon aussi. Non, c'est Lyon-Paris, pardon. Mais Monaco, là, 0-0. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de mal. Oh, ah bah non, enfin bon, ils ont perdu contre Carquefou il y a quelques années, hein. C'était très très dur, attends, en 6-1. Monaco, 0-0. Mais ils ont. C'est pas fini, parce que c'est la Coupe de la Ligue. Donc non, faut bah ils vont continuer, mais je veux dire, là, ça, je m'en fous qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Ah, ça change rien pour mon Paris, c'est moi. Mort, là. Ah, ah bah ouais, ouais, c'était dans les 90 minutes, après j'en ai rien à foutre. Et demain, il y a Bastia Auxerre. Et demain, il y a. Allez, Auxerre. Allez, Bastia. Je vais miser sur Auxerre, moi, je vais tout mettre sur Auxerre. Parce que tu comprendrais pas grand chose au foot, c'est pas ça. Ça doit être ça, ouais. Auxerre, enfin ça dit c'est vrai, hein, pour le coup, j'en touche pas une en foot. Hein. Je fais juste le malin, là, je lis juste les scores qui sont marqués devant mon écran, hein, parce que sinon, effectivement, j'y connais pas grand chose, on est d'accord. Dans quelques instants, on vous passera également l'appel coquin du jour avec Pierre, donc. Et puis, on va parler, ouais, de mort, hein, j'avais dit ça. C'est un Néo-Zélandais, en fait, de 13 ans, qui a reconnu mardi devant le tribunal avoir tué un de ses amis. Il avait 11 ans, le copain, en fait, et il lui a mis un coup de fusil. Génial. Oh, et à cause de voilà. Quoi? Parce que non, en fait, il avait un semi-automatique, en fait, ils étaient dans une ferme dans le nord de la Nouvelle-Zélande, c'était en juillet dernier, et donc, ils se sont disputés à propos d'une partie de chasse, et donc, le mec de 13 ans, en fait, il aurait sommé, donc, son pote de ne pas faire l'insolent, et donc, le mec, comme il avait le fusil, il s'est senti plus fort, et donc, il a dit, ah, tu fais le malin? Boum! Oh là là là là là là. C'est ce qui s'appelle mettre une cartouche. Non mais cela dit, mettre une cartouche en général c'est autrement, mais bon. Est-ce que tu te rappelles de ça, Pierre? Et c'est là que ça peut très mal tourner quand il y a des armes en général. Moi je suis pas contre, je suis pas pour, je m'en tape en fait. Mais voilà, un soir on était dans le sud là, on faisait la table chez un pote là. Et s'il nous écoute, hein, c'est dur pour. Mais tu te rappelles pas? On était un peu genre de verre dans le nez. On fait un cache-cache à deux balles parce qu'on voilà, on avait que ça à foutre, rentrer dans la baraque. Enfin en mode voilà quoi, cache-cache à 25 piges, mais on l'assume quoi. Sur deux niveaux, hyper grande baraque. Ouais, et on se marre. Et là, énorme. Genre 1000 salles de bain et tout, donc c'est trop drôle pour faire un cache-cache bourrasque, quoi. Trop drôle. Et c'est pas qu'on se plante avec un pote de la radio là qui est là. Et je me planque avec lui, ou c'était avec toi? Non, avec lui, je crois. Ouais. Et je fais ça, et d'un coup, pour me tenir, parce qu'on s'était planqué comme des enculés par-dessus des fringues et tout, et j'avais les mains au-dessus de l'armoire. Et je fais ça, et d'un coup, je prends un espèce de flingue. Un fusil de chasse, ouf. Et fusil de chasse et tout. Et pour déconner, je le prends. Mais tu sais, le truc, tu sais pas quoi, avec deux verres dans le nez, t'imagines, je tombe. Boum! Il était chargé. Bah je sais pas s'il était chargé, mais en même temps il faut le charger, il faut l'armer, enfin tu vois, enfin ça dépend, t'as une sécurité, certains, ouais. Mais je me dis, le truc planqué là-haut, ça veut dire que s'il est planqué là et tout, à mon avis il est chargé, le bordel, ça veut dire que c'est en cas d'urgence quoi, si tu te fais cambrioler tu prends vite le truc et bah je sais pas là. Après t'as ceux qui font les malins aussi, tu sais, qui ils ont un flingue mais ils sont en panique, donc ils ont, ou alors c'est un faux qui ressemble, certes un vrai, sauf que le problème c'est quand t'es face à face à un mec qui est un vrai. C'est-à-dire que si toi tu montres, même s'il est faux, mais qu'il ressemble à un vrai, le mec il va prendre peur, il tire. Bah tu, mais, non, bah, tu vois, contre, et toi tu peux rien faire. Mais hein, je connais une histoire sur ça, c'est très dangereux, les gens qui ont pas, excuse-moi le corse, qui ont peur. Qui ont des armes et qui ont peur parce qu'ils sont imprévisibles quoi, qui savent pas s'en servir, qui sont pas des vrais voyous. Non quoi, mais il faut prendre des leçons, tu vois, tu gardes pas une arme comme ça. Moi j'ai fait une fois déjà du tir comme ça vite fait avec un Magnum. Donc le truc c'est pas que déjà ça pèse, mais vraiment t'as l'impression d'avoir un bébé dans les mains quoi. Ouais, ça pèse super lourd. Tu le fais comme ça et quand tu tires avec les lunettes et les bordels là, tu recules. Mais c'est surtout que dès le premier tir t'as un sentiment de puissance de ouf. C'est-à-dire tu dis putain mais c'est ouf, et dans ta tête t'y penses, même si t'es pas un espèce de psychopathe de ouf. Je pense pas être un psychopathe, tu vois. Tu te retournes et tu regardes des gens et tu te dis. À tout moment, en fait, je me retourne, je fais ça sur la gueule du mec et je lui explose la gueule. Et c'est fini. Il est mort. Quoi. Tu vois la puissance que t'as. Bah, c'est tu ça. Dis, bah, j'ai qu'à pousser sur un bouton, le mec est mort. Il existe plus. Et pour revenir à ce que tu disais là, ceux qui ont des fausses armes, il y a une histoire de braqueurs qui vont braquer une bijouterie. Ouais, c'est vrai. C'est ouais. Encore, c'est un véridique, hein. Avec deux faux flingues. Donc des amis de la famille, de la grande famille. Et non, ouais, la grande famille. Donc deux faux flingues. Et le bijoutier, donc le patron, avec un vrai. Et, ah merde. Voilà. Et le drame est là. Et ouais, ouais. Mais non, mais non, mais non, mais oui, mais bon. Et alors, du coup, je sais pas si tu prends, le mec, il est bijoutier, s'il tire, est-ce qu'il se défend au final? Est-ce qu'il prend cher ou pas? En France, c'est toi qui m'entoles. C'est en cas de légitime défense, t'as le droit d'utiliser. Non, mais si tu te fais braquer par deux mecs, tu vas pas dire, excusez-moi, c'est des vrais ou c'est des faux? Non, c'est des vrais, ok, bah, je peux vous tirer. Mais alors. Ce qui est quand même fou, c'est que si tu te défends, par exemple, chez toi, mais que tu tues le mec qui a essayé de te voler ou t'agresser, c'est toi qui vas en tol. Donc, pour cela, cacher le corps quelque part, il ne dit rien. Mais non, non, pour le coup, ça dépend. Non, même en légitime défense, tu es obligé d'aller en prison. Non, mais même si t'es vraiment en danger, c'est toi qui prend perpète si tu tues le mec. Ouais, bah ou oui. Si le mec, un truc de fou, non, j'avais tu lu. Pas perpète. Non, pas perpète, mais non, tu vas en col. J'avais lu un truc, si un voleur. Disons que tu peux prendre de, cher, quoi. Ouais, essaye de rentrer chez toi. Et tu sais, il y a beaucoup de maisons avec des espèces de petits verres, là, au-dessus du portail. Si le mec se blesse mais en essayant de rentrer chez toi et qu'il porte plainte contre toi, ben c'est toi qui doit payer. C'est aux États-Unis, ça. Non, en France aussi. Ah j'ai bon lu ça, j'avais halluciné. Non, c'est un truc de dingue. Aux États-Unis, ils incitent hein, justement. Eux, c'est. Que les pigeons, ils portent pas plainte. Aux États-Unis, t'as un gun, un mec qui vient chez Watt pour cambrioler, tu le plombes, c'est cool, hein. C'est cool pour Watt, hein. C'est-à-dire que c'est limite les flics qui te félicitent, hein. Ah, ouais. Bah, ça dépend. Ça dépend ce qu'il a fait. États, mais déjà, ça dépend des États. Mais tu vas au Texas, ils te félicitent. Ah, bah, au Texas, ah, ouais, c'est là où il y a des. C'est là qu'il y a encore les. Où les cow-boys s'appellent. Ouais, les. Comment ils s'appellent? C'est des forces spéciales, mais privées. C'est des mecs, en fait, c'est des anciens genres militaires, en général. Les chasseurs de primes. Les chasseurs de primes. Voilà. Et les mecs, c'est des enculés. Ils sont là, dans leur gros 4x4, là, tu sais, leur, seule femme chasseur de primes aux États-Unis, il y en a plus qu'une, j'ai vu aussi. Elle est folle. Elle se met en planque et tout, mais c'est une jobarde, quoi. C'est une folle. Elle mais les mecs, ils ont des primes. Bah, c'est les chasseurs de primes, pour le ouais, coup. Ils prennent bien son nom, dollars, bien fait, hein. Il y a un film très drôle avec Jennifer Aniston et. Ouais, monsieur et madame Smith. Ouais, et Brad Pitt. Et Gérard Butler. Ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est ben, le type est chasseur de primes, en fait. Il doit la prendre à elle. Ouais, son ex-femme. Et c'est son ex-femme, ouais. Ah, d'accord, ok. Ah, énorme. J'ai pas vu celui-là. Ça s'appelle chasseur de primes, je crois. Ouais, d'accord. Ouais, j'ai pas vu ce film-là, d'accord. Et donc ouais, c'est vrai que c'est un métier particulier, hein. Bah. Mais par contre, tu peux prendre cher, hein. Ouais. Dans les deux cas, hein. Soit tu prends l'oseille, soit tu prends une balle en cul. Hein. Mais c'est comme nettoyeur, c'est fou ce métier. Nettoyeur. C'est-à-dire, voilà, ah oui, à la Léon, quoi. Ouais. Les mecs, ouais, tu fais le ménage, ouais. Tu fais c'est le ménage. C'est dingue, ouais, ça, quand même. Bah, ça existe vraiment. Ah oui. Bah, dans le métro, il y en a aussi des nettoyeurs. Mais ils gagnent pas la même chose. Non, ouais. Mais c'est des mecs qui bossent, mais même ouais, en France, hein. Même en France, attention, il y en a mille, hein, des mecs comme ça qui sont habilités à pouvoir buter comme ça, et puis ils sont en civil et ils sont juste protégés par l'État, parce que les mecs sont missionnés par l'État français, et voilà, ils butent des terroristes ou des machins. Et genre en mode loose day, hein, c'est des mecs permis qui se foutent de tuer, à... quoi. Ouais, permis de tuer, quoi, ils se foutent à 100 mètres avec un... Mais c'est comme les agents secrets, c'est pareil, ils ont le droit de tuer. Ouais. Mais même les flics, ils ont le droit de tuer ceux qui font la... Non. Si, bah... Ceux qui font la sécurité. Non. Non, mais que ça soit les flics ou sécurité, attention, même j'avais appris un truc, les flics, ils ont pas le droit de te fouiller. J'avais appris ça. Ah bon? Ouais, bah putain, t'as le droit de refuser, bien sûr. T'as le droit de refuser. Oui, tu peux refuser parce que tu veux que ce soit une femme ou un mec. Non, parce qu'il doit faire venir quelqu'un, commission rogatoire. Ouais, ou un militaire. C'est-à-dire qu'un gendarme, il a le droit parce que c'est de l'armée. Mais un flic, il a pas le droit. Mais c'était moi. Sauf les stupes ou les bandits. Si tu refuses, tu vas au poste aussi. Si tu refuses, voilà, les flics, ils t'emmènent au poste pour une autre raison et ils te fouillent au poste avec. Oui, donc t'as tout intérêt à te laisser fouiller sur place. Mais c'est grave si t'as pas le droit. Non, je sais que c'est municipal. Par exemple, ça, c'est mort. Déjà, municipal, c'est juste mort. Et même les demandes de papiers municipal. Je me rappelle, je jouais avec ça parce qu'il me demandait mes papiers tout le temps. Là. Je faisais. Moi j'ai une technique. De quoi? Moi j'ai une technique pour pas payer ces amendes RATP. Tu donnes un autre nom? Non, oui, mais alors attention, avant de donner l'autre nom, tu dis que t'as pas ta pièce d'identité. Et donc le mec, attends, non, il reste avec toi normalement pour dire non, mais vous la sortez, sinon on appelle les agents. Et comme les mecs, ils ont pas que ça à foutre parce ils sont payés au chiffre parce qu'ils ont un petit pourcentage sur les amendes qu'ils donnent, ces fumiers là. Donc au final, tu leur fais, bah moi j'ai le montant, en tout cas, hein, je suis chômeur, j'ai tout mon temps, je peux rester là. Donc ça va le saouler le mec d'appeler les flics pour qu'ils te fouillent pour la pièce d'identité. Et donc là, tu donnes le faux nom, mais tu peux même en mode, je suis en bas les couilles. Donc je m'appelle Michel Tartampion au 06 nananana à telle adresse. Ouais. Et tu vas à fond. Le numéro de Fredo. Et oui, alors j'avais un pote d'enfance, hein, qui habite dans le 9-3. C'est pas que le mec, à chaque fois, il donne son ennemi de classe qu'il avait depuis la 6e. Ça veut dire que le mec, je sais pas si tu l'as déjà dit, ça, bref, il doit se taper juste 1000 amendes tout le temps. Moi, j'ai déjà vu ça. Une technique, ça, c'est mon tu père qui me l'a appris. tu prends l'amende, tu montes ta pièce d'identité, tu donnes ton adresse. Tu reçois la lettre de la RATP, tu n'envoies surtout pas la lettre et tu renvoies avec n'habite pas à l'adresse indiquée. NAI. Et tu renvoies ça sans avoir touché NPI. Ah oui, ce que j'avais dit, ouais. Et sinon, il y avait aussi, je l'avais déjà dit il y a quelques jours, on en avait parlé de ça. Et il y a aussi le truc, je sais qu'en Belgique, avant il y avait la police et la gendarmerie comme ici, sauf que maintenant il y a qu'une seule entité, c'est la police fédérale, donc voilà. Mais avant, je sais que tu te faisais arrêter par les flics. Genre excès de vitesse, n'importe quoi, tu te faisais arrêter par les flics, les flics te mettaient un PV et en fait bah tu disais simplement non, moi je suis pas d'accord, bah on va appeler les gendarmes. Donc les gendarmes arrivaient et comme c'était la guerre entre les gendarmes et les flics, 9 fois sur 10 le gendarme disait Ah, c'est bon, tu peux y aller. Et le flic il restait comme un con parce que tu vois, parce que c'est le gendarme qui frimait quoi. Donc les flics à un moment ils foutaient plus rien parce que de toute façon, si le mec il connaissait le business, ils appelaient les gendarmes et puis les gendarmes ils se marraient en disant vas-y petit con, écarte-toi, tu peux c'est y aller. Énorme, et le flic il rentrait dans sa petite voiture avec sa ligne bleue là, il peut partir. Comme un blaire. Mais ça c'était drôle pour le coup. Ouais. Bon, on va se mettre un peu de son maintenant. On va se mettre Swedish House Mafia avec Pharrell et One et puis on va revenir juste après. Toujours 0-0, toujours 1-0 pardon pour les Stéphanois, avec les Stéphanois qui poussent hein, quand même face au Bordelais. Il a failli avoir un petit 2-0 là à l'instant. Et puis donc comme je le disais, donc Swedish House Mafia, on revient juste après et on parlera donc de l'Allemand qui a empoché de l'oseille qui a empoché de l'oseille. Voilà, on en parle dans un instant, ne bougez pas de là. Swedish House Mafia avec Pharrell à l'instant sur Gaume Radio. C'était One et toujours 1-0 pour les Stéphanois face au Bordelais. Il reste plus que 25 minutes. Bon, reste encore 25 minutes, donc tout peut se passer. Hein. Un but des Stéphanois ou un but Bordelais, on ne sait pas. En tout cas, reste 25 minutes. C'est la Coupe de la Ligue, là, les huitièmes de finale. Et tout à l'heure, donc c'est Boulogne qui a été éliminé par Valenciennes 4-0 et Ajaccio qui a été éliminé par Montpellier 2-0. Et donc c'est les prolongations là pour Monaco et Lorient maintenant, et c'est toujours 0-0 à la 105e minute. Oh là là, ils font chier les Monégasques. Ah là, allez les gars là. Ouais, bah de toute façon, je m'en fous, ils m'ont fait perdre donc ouais, ils gagnent ou qu'ils perdent maintenant, j'en ai rien à foutre. Ils avaient qu'à me faire gagner là. Putain, fait chier quand même. Enfin bref. Bon, et est-ce qu'il y en a déjà qui ont gagné quelque chose à la loterie, jeu à gratter, loto, Euro Million, etc. Ouais, moi combien? 500 francs quand j'étais gamin. Ouais, ça fait moi aussi, 500 francs c'est mon maximum. 500 francs gamin. Mais j'étais trop contente. Ouais. Bah ouais, j'ai tout dépensé en deux jours, réellement. Bonbon, pétard. Je connaissais casino, une ça meuf. Compte ou pas? Ah oui, parce casino, qu'on va en parler dans un instant aussi, ouais. Mais comment t'as fait pour gagner au casino, toi? Bah, machine à poker. Non, mais d'accord, mais t'avais quel âge? 18 ans. D'accord, ok, tout juste alors. Ouais. Combien t'as gagné? Encore, attends, France, mec, c'est pas 21? Ah, non, si, peut-être. Non. Ouais, non, c'est 18. Mais je crois que c'est 21. Et moi aussi, j'avais joué en machine à sous et j'avais fait un fake sur l'âge. J'étais majeur, mais c'est 21 ans, je crois, les machines à sous. D'accord, ok. En France. Bah, bon, donc, accompagné d'adultes. Et t'avais, voilà, gagné combien? À l'époque, c'était l'euro, les francs. Je crois qu'il fallait, ouais, 1000 et quelques euros, un truc comme ça, à l'équivalent. Ah ouais, quand même. Du SMIG, ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Et toi, Emily, tu voulais dire quoi? Non, je voulais dire que j'avais une pote qui gagnait à tout le temps, et elle m'avait dit c'est dans le sud que c'est une je sais pas comment on appelle ça, pas une rumeur, mais j'arrive pas à trouver le mot, une tradition de non gagner. Pas du tout, c'est ça s'appelle avoir la, être né avec la crépine, mais je sais pas si c'est avoir la chatte, qu'on dit ça. Avoir de la chatte, être né avec la crépine, tu avoir connais la main verte. Ouais, c'est quand t'es né que t'as eu une je sais pas si c'est une maladie de la peau ou une connerie, t'as la crépine en fait, et on dit dans le sud que quand t'es né avec la crépine, comme quand t'es né avec la rougeole ou n'importe quoi, ça te porte chance. Et cette meuf, elle était née avec ça, et elle me disait je gagne tout ce qui est possible inimaginable. Elle avait quand même gagné une voiture juste avant son anniversaire, voiture, de putain, ses 18 ans, quoi. Un loto de quartier. Oh, c'est elle avait gagné genre 4 ou 5 fois des voyages, mais à des conneries, genre télé loisirs. Elle remplissait pour déconner le truc, elle l'envoyait une fois, elle avait gagné un voyage aux États-Unis et tout. Mais que des trucs de fou. Non, mais attends, et elle trichait ou elle connaissait, c'est pas possible de gagner autant. Non, mais à chaque fois, elle gagnait des trucs. Mais elle fait quoi maintenant? Je sais pas, parce que je lui parle plus, mais elle était flic à l'époque. C'est enfin, on s'est perdu de vue, mais. Nadja, ah ouais, elle était flic, donc tu sais, elle allait faire la loi. Non, je te crois, elle avait une chatte, mais gagner ça, non? Non, elle trichait pas, c'était vraiment, elle avait une putain de chance quoi. C'était ouf. Et à chaque fois, elle me faisait c'est marronner. Juste les gens chanceux. Non, on t'entend moi, mal. Moi, j'ai de la chance au casino. Il a un micro, il parle loin du micro et en plus, il est éteint. Non, ah, il est allumé. Pire, alors. Et j'ai dit, ça existe, les gens chanceux. Oui, bien sûr, non, mais bien sûr que ça existe, pardon, mais quand même quoi, enfin, je sais pas. Après, il y a des gens qui sont malchanceux toute leur vie, ils font un loto et ils gagnent. Ouais, c'est pas faux, c'est pas qui faux. Qui sont au fond de leur cul. Et regarde, moi j'ai gagné l'euro million vendredi, hein. Ouais, 14 euros, mec, j'en avais investi que 12, donc j'ai gagné 2 euros. Oh putain. Et là, ce soir, t'as perdu. Bon, pas, hein? T'as perdu. Quand? Ce soir. Bah, y'a pas de loto ce soir. Non mais à côté match. Ah oui, non, mais le Monaco, ouais, mais j'ai mis 5 euros, c'est pas dramatique. Ouais, mais le foot, c'est différent, parce que tu joues, oui, c'est le hasard, parce que tu sais pas le et match à l'avance. T'as une chance sur 3. Mais t'as une chance sur 3, et puis ça dépend quand même d'un fait réel, quoi, de football. Tu vois, on parle de football, c'est-à-dire que t'as Barcelone-Guingamp. C'est comme au PMU, t'as mais quelques petits pronostics, tu peux. Ouais, c'est quand même chaud que le Guingamp gagne face au Barça. Je trouve que côté match, c'est moins bien que l'autosportif à l'époque. Tu gagnes beaucoup moins en fait, parce qu'avec l'autosportif, moi je me rappelle, j'avais gagné une fois. Ça 500, fait moins beauf, hein, c'est tout. 500 euros. Non, mais côté match, tu vas miser 2 euros. Ouais. C'est 2 euros multipliés par la côte. Tandis que l'autosportif. Par la côte, la côte, donc c'est celle que tu montes, c'est quand t'es sur une montagne, à la côte. C'est une 15%, tu gagnes beaucoup. La côte d'Azur, tu veux dire? Voilà, la côte d'Azur. Tandis que l'autosportif, à l'époque, tu mettais 2 euros. Ouais. Si tu avais les 7 bons matchs, tu pouvais gagner 1000. Ah, mais tu gagnais plein. Oui, voilà. Mais bien sûr, mais ça, tu peux faire encore, hein. Tu peux faire des paris, combinaisons, quoi, tu vois. Si tu mets ça, plus ça, plus ça, plus ça, si les 7 matchs, tu gagnes, tu gagnes bien. Tu peux bien, très très bien gagner. Bah après, ça dépend, faut avoir ta chance. Il y a des gens qui vivent que de ça, hein. Mais des gens qui vivent que de ça. Il y a celui qui se fait le plus d'oseille, là, c'est Fredo, hein. Avec ça? Ah, bah, bien sûr. Mais non, mais l'avantage, tu vois, c'est quand t'es blindé d'oseille comme lui, tu peux te permettre de dire. Parce que c'est clair que, par exemple, tu prends un match, un match avec la cote est à 2, par exemple. Donc ça veut dire que si tu mets 5 euros, t'en gagnes 10. Sauf que si t'en mets 500, t'en prends 1000. Non, mais t'es sûr que t'as pas un palier. T'en prends 10 000. T'as pas un palier, mais que dalle. Si, c'est limité à. C'est limité, c'est si toi tu qui décides de ouais. Limiter, mais. Tu peux me parier 15 000 euros sur le site, tu peux mettre 15 000 euros et si tu gagnes, bah t'en gagnes 30. Par contre, si tu perds, t'as perdu les 15 000, tu vois. Ouais, mais faut avoir la combine aussi. Quelle combine? Il y a pas de combine. Parce que je vais pas forcer de gagner non plus. Mais c'est ce que je dis. C'est tu peux effectivement gagner. C'est qui tout double? Enfin, ça dépend quelle est la cote, mais je veux dire, en général, c'est qui tout double. Et tu l'exemple con par exemple, c'est quand il y a eu avant la Coupe du Monde, il y avait France Chine. Ah oui. La cote de la France était ridicule. Donc ouais. Tu sais, pour gagner quelque chose, il fallait mettre beaucoup. Et ouais. la cote des Chinois était à 18. C'est-à-dire que tu mettais 1 euro, t'en prenais 18. Ouais, ouais, ce qui était pas mal. La majorité des gens ont mis la France, tu vois. Je veux dire, France-Chine, évidemment. Eh ben non, c'est la Chine qui a gagné, mec. Celui qui avait mis la Chine, là, l'enculé de mais ça. Mais attends, pourquoi t'imagines si t'as mis 100 euros? Là, bah, t'en prenais 1800. 1800. Mais alors, pourquoi, justement, la violence quand t'as 20 balles comme ça qui traînent, parce que 20 balles, ça peut être accessible à, enfin, c'est accessible à la plupart de tout, enfin, quasi oui, tout. Oui, monde. Oui, 20 euros. Pourquoi ouais. 20 euros, tu te dis pas, je mets 10 balles sur la France, 10 balles sur la Chine? Bah, parce que tu vas gagner quoi? Ça veut rien dire. Bah, la France, si la côte est pourrie, ouais. Non, ça dépend des côtes, ça dépend des côtes. Mais c'est pas con, ça. Et moi, j'ai déjà fait bien, ça. Non, mais attends, je l'ai déjà fait, sauf que quand ils font nul. Tu perds quand même tout. J'ai déjà fait, moi, j'avais 2 chances sur 3 de gagner. Eh bah, c'est la 3ème qui est sortie. Et bah, tu veux pas choisir l'option nulle? Si, tu peux faire les 3. Option nulle, mais non, mais si tu choisis les 3, ils sont pas cons. J'ai déjà calculé, si tu choisis les 3, tu gagnes jamais rien, ça c'est sûr. Tu peux jamais gagner, ils sont pas débiles, sinon tout le monde le ferait. Bah, sauf si tu fais la cote à 18, hein. Oui, oui, non, mais bien sûr. Non, mais c'est rare, les cotes à 18, c'est oui, voilà, c'est assez là, rare. Là, des matchs, je regarde les cotes, c'est à 5 ou 4, quoi. C'est pas voilà, vrai. Voire encore moins, d'ailleurs, hein, mais ouais. Enfin bon. Bon, donc, tout ça pour dire que, lui, il a gagné, donc, l'album, en fait, il a empoché 2,15 millions de dollars à la roulette. C'était le week-end passé, donc, c'était en Suisse. Et, donc, c'est la roulette, c'est le gain le plus élevé qui a été obtenu dans ce casino-là, en l'occurrence. Le mec, c'est un homme d'affaires, en fait, 52 ans. Il a la réputation internationale de joueur, un mec avec Vegas, c'est, ouais. C'est la star. Et donc, le mec, il a pris 2 millions de dollars. Oh ouais. Là là. Et pour lui, c'est rien en plus. Hein. Et le pire, c'est que lui, il a tout rejoué. Il va être content, quoi. Tu vois, il va se dire, oh, bah, c'est bien, j'ai pas perdu ma soirée. Mais voilà. Mais attends, 2 millions plus, quoi. À la roulette. À la roulette en plus, oh, tu vois. Enculé, la roulette. Noir ou rouge. Ouais. Noir ou rouge, tu peux choisir un pair. Non, mais tu peux choisir des numéros. Je crois qu'il a dû faire des numéros, non? Ouais, il a dû faire un chiffre plein, là. C'est-à-dire que le mec, il a dû juste miser le 14 avec 200 000 dollars, limite, ou genre 100 000 dollars, et le mec, il a fait x12. À mon avis. Je pense. Mmh. Ça aurait été très très fort. En fait, à la roulette, tu peux choisir, comme il disait Michael, tu peux choisir ton numéro, ta couleur, et père ou impair. Mais après, plus attends, tu réduis les chances, plus tu peux gagner, mais beaucoup, mais voilà, t'as moins de chances, quoi. Si tu choisis rouge ou noir, bon bah voilà, t'as une chance sur deux, donc forcément, tu gagnes après, pas. Après, tu peux mélanger. Parce que tu peux mettre sur les traits entre deux chiffres, tu peux mettre entre le 14 et le 15, par exemple. Ouais. Tu peux mettre après entre 4 chiffres. Mais là où tu gagnes le plus, c'est tu mets un chiffre. Ah bah là où tu gagnes le plus, ouais, c'est quand tu mets un chiffre, Tu mets 100 euros sur un chiffre, je sais pas comment tu gagnes, mais tu peux. Et il y a ça dans les fêtes de village, ça tombe. Mais moi, c'est le. Les mecs, ils installent ça, vite fait. Et bah, tu gagnes quand même pas dégueu, hein. Moi, j'avais gagné 200 euros. Mais ah ouais, c'est pas mal. 200 euros, ouais, mais en ayant ça, joué. C'est ta soirée, quoi, t'es content. Ah ouais, ouais, c'est ça, hein, ça fait une petite soirée sympa. En plus, ça fait de l'animation, parce que t'es content, tu viens là, t'as ton petit verre, tu t'amuses et tout. J'ai dû rester quoi, les 40 minutes. En tout, j'ai dû jouer peut-être 50 euros. Et je suis reparti avec 200 en fin, donc ça, voilà, ça te fait la soirée. Nous, c'est ce qu'on fait l'été, bon, c'est pas pareil. Nous, c'est au Hold'em. On se prend, on est plusieurs potes à la maison, petit verre, et on s'amuse au poker au Hold'em. C'est combien la carte? On met 20 euros, ça dépend, 20, 40 euros, tu vois. Et puis ça, à la fin, ça fait un beau pot, ça fait. Et à la fin, il tue le perdant. J'ai trop envie de jouer au poker en ce moment. Ah ouais, je comprends rien. Je regarde rien, une émission poker, télé-réalité là, poker, mais la maison du poker ou je sais pas quoi. Non, ça comprend rien. Enfin moi, je comprends rien au poker. Tu me diras, je me suis jamais vraiment intéressé, mais bon. Dites-nous si vous avez déjà gagné de l'oseille, tiens, avec les jeux de hasard, les lotos, les jeux à gratter, au casino éventuellement même d'ailleurs. Hein. Vous nous dites ça 01 55 64 13 24 ou alors mikl@goomradio.com. Voilà, on parlera aussi dans quelques instants d'un nouveau, une nouvelle application sur iPhone et Android. C'est vachement, enfin c'est bien. C'est quoi je veux ? C'est bizarre. Non, bah je sais pas si tu vas vouloir, mais enfin bon, on va en parler dans un petit instant. On va se faire l'appel coquin également et on va s'écouter Nelly maintenant avec Just a Dream sur Goom Radio. Nelly à l'instant, Just a Dream. On mettra peut-être le son des Black Eyed Peas tiens tout à l'heure avant la fin de l'émission, le nouveau là, la musique de Dirty Dancing. C'est pas trop tard. Non, c'est pas trop tôt. On dit en général c'est pas trop tôt. Est-ce que c'est pas trop tard ? Bah non, c'est pas trop tard. Non, tu veux dire c'est pas trop tard. Non, non. Bah non. Bah non, il y a que toi qui le dis. Non, si, non, mais si c'est tu pas peux... trop tard pour le mettre, on peut mettre. C'est pas trop tard peux, pour le mettre. Tu peux le dire, mais c'est voilà, pas l'expression c'est style, bah je l'attends depuis le début, mais non, c'est mais pas trop tôt. C'était pas pour ça que je disais ça. Je disais c'est pas trop tard, on peut le mettre encore maintenant. La manière dont tu l'as dit, c'était pas ça. Ah bah alors, je l'ai mal expliqué. Tu mériterais d'être enfermé dans ton sac de couchage. Ouais, au final, ouais, c'est vrai. Et toi, tu viens de mettre des crevettes dans le cul. Bon, toujours 1-0 pour les Stéphanois. Il reste un peu plus de 10 minutes de jeu là. Saint-Etienne 1-0 face au Bordelais. L'OM. On vous tient en jeu. Et puis les Monégasques là, c'était les prolongations. Et pour les 1-0 pour les Monaco, pour Monaco là, bande d'enculés. Ils avaient voilà. pas mettre un but plus tôt là. Les Malago, t'as dit. Ouais, mais ça m'énerve là. Ça m'énerve parce qu'ils ont mis, le but après. Ouais, mais. Après quoi? Bah après, parce que moi j'avais parié sur Monaco, mais sur les 90 minutes, c'est les prolongations, je compte pas. Oh, c'est les enculés, c'est un truc de Paris, merde. Ouais, ouais, ah bah ouais. Ils ont mis quand même un but, quand même. Ah bah ouais, bah c'est comme ça. Hein, oh, si que c'est dur. Ah bah je te confirme, ah, je suis vénère. Hein. Bien vénère, là, bien comme il faut, là. Bon, enfin, c'est pas grave. Bon, allez, c'est pas grave. On va donc parler de l'application iPhone et Android que j'ai trouvé. C'est Sex Offender Tracker. En fait, c'est une application qui est disponible sur l'Apple Store et sur l'Android Market, donc, qui combine les données publiques du registre américain des délinquants sexuels avec la géolocalisation. Ça veut dire, en fait, c'est une application, en fait, qui t'indique par des points rouges où sont les psychopathes. Où sont les psychopathes et où sont les pédophiles, les violeurs, etc. Tu vois, ceux c'est qui, ça qui clignote qui... depuis tout à l'heure, t'imagines. ceux qui ont été relâchés, par exemple, tu vois, sous conditions, etc., etc. Eh ben, ça leur indique qu'il faut faire attention parce que dans cette rue-là, eh ben, il y a des anciens violeurs ou des pédophiles ou, enfin, tu parce vois. Parce que les mecs, ils ont un bracelet électronique et genre, tu les suis pas forcément, non, mais tu vois, leur adresse, par exemple, est communiquée et donc, du coup, tu sais que si tu t'approches de là, bah, t'as plus ou moins de chances de croiser un pédoc. Voilà, exactement, ouais. Donc mais c'est génial ça quand même. Bon, j'irai peut-être pas jusque là, mais non, comme parce que après je dis pas, tu vois, t'as des gens qui sont malades, le fait d'être pédophile, c'est je crois que c'est rare en tout cas d'arriver à se sortir de là, tu vois ce que je veux dire. J'avais vu un reportage comme quoi un pédophile avait demandé de se faire castrer pour arrêter d'avoir ses pulsions. Une castration chimique. Et finalement, il racontait que même avec cette castration, il avait toujours envie. Et c'était terrible pour lui parce qu'il s'était fait enlever ses parties. Non, mais c'est une castration chimique. Hein. Mais oui, c'est chimique. Oui, mais c'est horrible. C'est-à-dire que t'as toujours tes burnes. Oui, c'est juste que t'as aucune libido. Tu n'as plus aucune envie. Mais non, mais il avait encore envie, le mec. Ah bon? Alors, ah oui, il disait qu'il avait encore envie. Il a dit, j'ai toujours envie dès que je vois des jeunes filles qui passent devant moi. On pourra me couper il a dit exactement ça. C'est un Américain. On pourra me couper la bite, les deux bras. Je pourrais être un tronc que j'aurais toujours envie de violer des jeunes filles. Ah bah, dis donc, you can cut my dick and cut my arms. Can I just want to fuck yourself? My legs. Exactement. Il a dit ça. À peu près littéralement. Ouais, c'est horrible. Ça fait flipper, quoi. C'est horrible. Bah, il faudrait qu'on appelle Elisabeth. On a pas Elisabeth ce soir, là. Oui, c'est pas grave. Elle essaie d'appeler depuis tout à l'heure, là. Ah bon, on va la prendre. Là, elle est pas là. Non, elle est pas là, le Corse. Non, là, bah non, il faut appeler le bon numéro. Mais non, mais pas celui-là. Là, drop. Non, d'abord, la Croix-Rouge, drop maintenant. Oh là là là là. Mais il a des gros doigts. Ah bah oui, c'est ça, il a du mal. Hein. Oh bah là, ouais. Bon, on va essayer de la prendre dans quelques instants, Elisabeth. C'est très très dur. Hein. Bon, bah, va chercher le numéro de téléphone. Il y a Ben qui l'avait. Ben, il a le numéro de téléphone. Et là-bas. Cours après, prends-le, Ben. Prends-le et compose-le là, le numéro. Ouais, oh, c'est pas grave, c'est pas grave. On va l'appeler directement d'ici, Elisabeth. Mais oui, voilà, c'est ça. On va l'appeler directement de là. Non, par contre, on va se faire l'appel coquin maintenant. L'appel coquin avec notre ami Pierre. Ça va être quoi l'appel coquin, Pierre? Chambre d'hôtel. C'est-à-dire? Bah, chambre d'hôtel, j'appelle un réceptionniste ou une réceptionniste. Je sais pas sur qui je vais tomber. Là, je tombe sur plusieurs personnes et puis je leur demande si je peux pas les tirer dans leur chambre. D'accord, ok. Allez, c'est parti. Horreur. Et on devra voir Elisabeth juste après. Bougez pas. Bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, ce serait pour réserver une chambre ce soir, s'il vous plaît. Oui. Pourquoi une personne ? Vous êtes un homme ou une femme ? Un homme. Ah, vous êtes un homme, d'accord. Bon, moi, je ferai un effort. En fait, si je veux une chambre d'hôtel, c'est juste pour vous tirer en plus. Qu- Comment? Ce serait pour vous tirer en fait. Me tirer? Bah vous tirer sexuellement. Ce serait possible ou pas? Non. Bah pourquoi? Bah parce que. Bah faites un effort monsieur enfin. Bah attendez, j'arrive. Vous n'avez jamais sucé? Pourquoi? Oh là là. Allô? Oui, allô? Non, on n'a pas de chambre. Ah, mais alors pourquoi? Comment je vais faire pour vous tirer alors? Espèce de con, si tu veux me tirer, viens me tirer moi, connard. Eh, je peux vous tirer, monsieur? Viens, viens me tirer, viens. Est-ce que t'as un petit cul bien serré? Ouais, viens. Hein? Saloperie, va. Raccroche. Ouais, raccroche. Bonjour. Oui, oui, est-ce que je pourrais tirer la merde du monsieur que je viens d'avoir au téléphone? Viens ici, toi, branleur. Viens me voir, viens, tu sais où je suis, viens. Est-ce que je pourrais tirer votre femme, t'as monsieur? Une grande gueule, fils de pute, moi. Viens me voir. Eh, calme-toi, sinon je tire ta femme. Moi, je vais venir te tirer, moi. Je prends une chambre et tu me suces. Vous faites ta gueule, moi, tu vas voir. Allez, calme-toi, d'accord? Si je te vois, je te nique ta gueule. Si tu ouvres ta gueule, c'est pour me sucer, d'accord? Viens, viens, viens, viens, je vais te niquer ta gueule. Non, viens. Je veux dire, eh, ta mère la pute. Espèce de connard. Eh, ta mère la pute, elle suce. Pas la mère. Allez, viens, viens, ta mère la pute, elle suce. Parle encore, 30 secondes, c'est bon. Mon pote, il va te choper ton numéro. Attends, je vais dire un truc. Viens, fils de pute. Est-ce qu'elle pourra me sucer, ta mère la pute? Viens, viens, con. Hein, sale con, là. Hein, sale con. Viens. Ah, sale con. Viens, je te dis. Ta mère la pute. Viens, tu sais où je suis, viens. Moi, je sais pas où t'es, parce que... Attends, moi, mais calme-toi, espèce de grosse baltringue. C'est ta gueule, viens. Quoi, mais qu'est-ce que t'as dit, là? Viens, écoute ça, écoute ça. Donne, je te dis. Moi, je suis quelqu'un de violent, je t'éclate, d'accord, et je te sodomise. Bah, viens. Alors, viens. Tu vas me lécher les couilles, et tu vas fermer ta grande gueule. Mais toi aussi, tu vas fermer ta grande gueule. Hein, lèche-moi les burnes, fils de pute. Bah, toi, t'es un quoi? T'es un gros bâtard. Je suis quoi, moi, espèce d'enculé de ta mère? Numéro. Vas-y, continue encore. Hein. Espèce de gros fils de putain que ta mère a sucé ton espèce de bourrasse. T'as une voix de bourrasse alcoolique. Mais toi, connard. Arrête la bière et suce ma bite. T'es qu'une sale grosse putain de ta mère. Viens voir, je te dis, viens, bah je viens. Je vais dire un truc, ton père l'enculé, ta mère la pute. Alors là, toi, tu te trouves, mon gars. Ta gueule. Ah, ok, ouais. D'accord. Et monsieur, est-ce que je peux réserver une chambre d'hôtel chez vous quand même? Va te faire foutre, va réserver ailleurs. J'ai honte aussi. C'était violent et c'était gratuit, Pierre. Je suis pas fier de toi là pour le coup. Quelle violence. J'ai pas les mères. Ah non, mais surtout pas en disant fils de pute. Je vais sodomiser ton père, il lui a dit quand même. Non mais j'ai dit quand même ton père l'enculé, ta mère la pute. C'était grave. Bah par contre, il était pas non plus tout rose non plus le mec. Hein. Viens me sucer. Hey, viens me sucer. J'aime bien, je prends réservé. Bah va réserver ailleurs, enculé. Ah, il était. Mais à un moment, le fils, on dirait qu'il est un peu open au début. Ah. Attendez, je reviens. C'est le fils, j'aurais dit que c'était la mère, non, moi. Non, on a pas de chance. Mais non, c'est un jeu. Là, j'ai pas compris qui c'était. Il devait avoir 15-16 ans. Mais non, je pense que c'était le pote de son rap, je sais pas. Ah bon? Moi, j'ai pas compris qui c'était, moi, j'ai rien à foutre. Tu sais qu'un jour, il y a quelqu'un qui me fait ça, mais je crois que j'en parle pendant une semaine, hein. Mais je suis traumatisé par. Bah là, j'étais traumatisé par ça. Ah, mais oui, te faire insulter gratuitement comme ça. Moi, tu sais qu'on me l'a déjà fait, ça, au téléphone. De t'insulter? Pour m'insulter, ouais. Ouais, attends, hey, gamin, je voulais faire des canulars avec mon cousin et on appelait depuis le téléphone des grands-parents et on appelait, on faisait des blagues à la con là et une fois on appelait une femme, on fait oui bonjour c'est les pompiers, oui votre mari est mort. Oh, c'est merde. Et là, oh non, ça c'est dégueulasse. Et là, la femme qui fait. Oh là, c'est dégueulasse. Putain, vous êtes vraiment des enfoirés. On a raccroché. Combien? On a raccroché, on l'a jamais rappelé là-bas. C'est dégueulasse, putain. T'imagines si elle s'est suicidée? Non, parce qu'attends, elle nous a claqué en bus. Oui, mais je l'attends depuis 4 heures, il est pas là, j'ai pas de nouvelles. Véridique. Et on est des enculés. Mais non, mais on a vu. Et en plus, quand il est parti, il a un petit souffle au cœur. Non, mais tu peux refaire exactement genre, t'appelles et mais genre en mode. Allô, bonjour. Oui, il est allô. Pas content, genre. Et nous on fait et c'était mon cousin qui l'a fait, mais je lui soufflais. Quel enculé. Et genre il prenait une voix comme ça, mais 10 ans quand tu prends une voix de bonhomme, ça donne, tu vois, la voix de Pierre, quoi. Ah ouais. Donc, ça fait pas. C'est dur. Oh non, vas-y, c'est dégueulasse, quoi. Et donc du coup oui allô, et là on fait bonjour madame, c'est les pompiers. Oui. Votre mari est mort. Et c'est quoi la première? Qu'elle a dit quoi la? Bah, oh mon dieu. Moi, non, c'est à ma vrai, mère, ça. J'aime ça, trop faire des trucs comme ça à oh ma mon mère. Dieu. Je l'ai appelée entre midi et deux. Un jour, je l'ai appelée, je me suis mis à pleurer. Acteur studio, à crier, je lui dis, je suis chez les flics, viens me chercher et tout. Et ma mère, t'as vu comme elle réagit? Ouais. Donc j'ai cru qu'elle allait se sauter par la fenêtre. Mais on avait. J'ai rappelé 10 minutes après, juste une vanne, un repose ton sac, viens pas me chercher. Non mais parfois, les parents ils sont complètement décalés. Un jour de l'an, mon père, je crois qu'il était très fatigué, je crois que je l'appelle. Et je lui dis, pas, c'est moi et tout. Donc je t'ai eu dans la nuit et tout. Je pétais un câble, je me suis barré au Brésil. Et là il me fait machin. Ça, c'est drôle encore, c'est vrai, tu vois. On parle et il me fait, tu rentres quand? Mec, t'as cru que j'avais 15 000 balles pour aller au Brésil en fait? T'as cru que j'avais pris un vol quoi, British Airways dans la nuit quoi. Moi j'avais fait pire, j'étais British Airways. Je m'étais pris un couteau avec plein de confitures et je m'étais mis genre en soutien-gorge en plein milieu de mon salon avec un couteau et la confiture et genre étalée par terre comme ça. Et ma mère elle ouvre la porte et elle me voit comme ça par terre. Donc je sais pas si je... Elle avait hurlé et genre je me suis levée, elle m'a mis pas une claque parce que tu vois je voyais vraiment qu'elle commençait à se sentir mal, genre ah oh, mon Dieu ma fille et tout, et j'ai dit non non maman c'est une vanne, elle en a eu une, on est c'est drôle, hein. Ah ouais c'est clair. Parfois, non, mais pour le coup celle de Mika ça va, tu vois c'est une blague. Moi aussi c'est drôle. Non mais non mais l'autre là oui votre mari il est mort, bande enculée putain. Franchement non, ça se fait pas là, ça se fait vraiment pas là, c'est dégueulasse. Imagine toi, il a raison ce qu'il dit, imagine toi on te fait le cas inverse. Non non mais attends, mais mec moi je le retrouve le gars, mais toute ma vie je le cherche en fait, hein. Parce que t'as une adrénaline qui doit monter, mais d'un coup, en fait, c'est insupportable. Non, mais c'est surtout que la bonne femme, ça se trouve, elle est vieille, elle va peut-être se faire un infarctus, enfin, t'en sais rien, tu vois. Ça se trouve, elle s'est suicidée en mode Roméo et Juliette, quoi. J'ai plus de raison de vivre. Non, mais je crois plutôt, c'est la thèse d'un arrêt cardiaque, quoi. Son mari, il arrive, il retrouve une femme. Non, mais même, ou alors elle a un arrêt cardiaque parce qu'elle voit son mari rentrer du boulot, quoi, tu vois ce que tout je veux dire. Tout ça à cause de Mika. Tout ça à cause de ce studio, là. J'avais 8 ans, 9 ans. Allez, ouais, mais peut-être que son mari, il était parti avec sa maîtresse, qu'il est jamais revenu, et que du coup, elle s'est dit qu'il était mort, donc elle était plutôt heureuse. Bah oui, peut-être que tu lui as sauvé non, la vie. Non, alors peut-être que ça a remis du piment dans leur couple. Oh, t'es là, t'es revenu, mon ami. Tu es sucé. Ce qu'on avait fait, avec un cousin à moi et un pote, on avait appelé une femme. Voilà, je tiens à vous dire, en fait, votre mari vous trompe. Ça fait un petit moment, on a des photos à l'appui, tout ça. Non, c'est, et la femme qui commence à se mettre à chialer au téléphone. Ouais, c'est l'horreur. Non, c'est pas vrai. Non, ne me dites pas ça. Je suis en plus, je suis dépressive. Je vais me suicider. Ne me dites pas que mon mari me trompe. Et quoi, c'était un film. Là, on était pliés en deux. C'était énorme. Mais tu lui as pas dit que c'était une vanne? À la fin, ouais, j'ai dit madame. J'adore. Je fais tout le temps des blagues, moi. Non mais quand tu dis à la fin que c'est une vanne, c'est drôle, mais quand tu ce qui est encore plus drôle, c'est de laisser croire que c'est vrai quoi. Mais pas des trucs aussi graves. Ouais, mais c'est pas ça, des trucs moins graves à la non, limite. Non, mais les trucs moins graves. Bon allez, on va prendre Elisabeth dans un instant, ça c'est moins ça, grave. Ça c'est grave. Ouais, ça dépend de quel côté on se place. Ah si, c'est grave. Et avant ça, on se met les Black Eyed Peas, le nouveau là, avec The Time maintenant sur Groove Radio. Les Black Eyed Peas à l'instant avec The Time, et ça y est, les Stéphanois ont gagné, ils ont donc éliminé les Bordelais en 8e de finale de la Coupe de la Ligue, 1-0, et puis mauvais comme ils sont. Ouais, je suis un peu rage le soir. Les Monégasques là ont fait un partout, donc ça va je crois que ça va enchaîner au pénalty du coup, hein, pour c'est ça, je crois, ouais. Donc c'est Monaco Lorient, un partout donc, hein, avec un but d'Hanson à 99e pour Monaco, et puis Diarra a mis un but à la 118e. Moi quand je joue au foot, une fois on avait fait un match super important qui s'était fini au pénalty, et le gardien de mon équipe il était tombé dans les pommes parce que l'attaquant adverse, bon, au pénalty c'était un monstre le mec. Un cube là, comme As là, il arrive, il frappe une patate d'enfoiré, même pas il la place dans la gueule de notre gardien, le gardien séché direct. On n'avait plus de gardien, donc je sais plus qui c'est qui allait au cage, on avait perdu 1000-0, je crois. Ça nous a fait drôle. Pareil au hand. On avait une équipe de hand de filles, mais on jouait à l'école en fait. Et on était les meilleurs de l'école, mais parce qu'à l'école les filles elles sont trop mauvaises au sport quoi. Ouais. Et moi ma bande de copines on était un peu des mecs, des garçons manqués et tout. Du coup on était hyper fortes. Et notre prof il avait décidé de nous inscrire en national. Sauf qu'au début ça allait, et genre quart de finale ou huitième, on était tombés sur des meufs, c'était des championnes depuis genre 3 ou 4 ans, les meufs, mais on aurait dit un dessin animé, Jeanne et Serge, c'est-à-dire qu'elle arrivait devant les cages, elle faisait des tourbillons, l'autre elle envoyait des boulets de canon, et ma copine à chaque fois elle partait en courant, sinon c'était Delphine, elle se la prenait dans la tête, ah ouais, putain, ou dans le cul et tout, c'était trop drôle. À Monaco il vient de marquer le premier penalty là. Ah, d'accord, ok, merci le Corse. Qui nous tient au jus, hein, d'ailleurs, sur ce qui se passe, hein. Ouais. Non, mais c'est bien. qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus du tout. Oui, on va se mettre un petit son de la cave. Il va être énorme. Est-ce que vous vous souvenez d'un morceau qui s'appelait, Pony? Non. Pas Pony Run Run, hein, ni quoi que ce soit. Je peux Pony dire une chose là-dessus. Je dis un truc sur Cécile, elle sait, elle sourit. Quand elle est arrivée à Goom, elle disait, et tout de suite, on écoute les Pony avec Run Run. Et je remercie d'ailleurs Mika qui à l'époque avait reçu les Pony Run Run et avait gentiment dit mon prénom en racontant cette anecdote. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils avaient fait exprès de prendre un nom aussi dur pour les animateurs radio. Alors je sais pas si c'était une blague ou pas. En fait, c'était ce qu'ils disaient dans la presse, et nous on leur avait demandé ça. Ils nous ont dit ouais, non, peut-être, mais enfin il y en a un qui avait dit ouais, c'est pour vous faire chier. Les autres qui font non, c'est un délire recherché et tout machin. Mais, Pony ouais. Pony avec Run Run. Bah tu me diras, c'est clair que le nom il est tellement barge. Ouais, c'est ça. Les trucs. RR et Pony Run Run, voilà. Non, tout ça pour dire que c'est Phare qu'on va écouter dans quelques instants. FAR avec Pony. C'est une reprise en fait d'un vieux groupe qui s'appelait Gene Wine. Ça me parle, mais je me souviens pas de tout. Ah, c'est un truc bizarre comme ça. Bah là, c'est la version rock en fait. Vous allez voir, elle est vachement bien. Je sais pas, 90 et des poussières, 97, je crois, un truc comme ça, Gene Wine avec éponyme. Non, c'est clair. Ouais. On en est où là au niveau des tirs au but? Monaco vient d'en mettre un, donc ça doit faire 2-1 pour Monaco. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il a, le présentateur de droite? Il a des cernes. C'est Gravelaine, l'ancien joueur. Je crois qu'il est fatigué. Je crois qu'il est mort en fait. Mais d'ailleurs, il joue à l'OM, lui. Il joue à l'OM. Ouais, il joue à l'OM. Mais mec, je crois qu'il est mort empaillé. Ils l'ont foutu là avec un micro. C'est pas possible. Ouais, les yeux du gars. Ah, peut-être. On déconne, ouais. Peut-être. Bon, il y a Elisabeth qui est avec nous. Elisabeth. Eh oui, le corps, ça le perturbe pas, c'est qu'il met pas. Il a pas de son, mais. Voilà, c'est bon, là on t'entend, Elisabeth. C'est le corps qui avait fait de la merde. Ouais, je crois qu'aujourd'hui le standard c'est un peu merdique. Hein. Oui, alors bah écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Ouais. Et donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Elisabeth, elle a envoyé des paquets aujourd'hui. Ah, c'est-à-dire. Qu'est-ce que t'as envoyé? Alors, donc, un paquet pour le corps. Donc, le corps, lui, il se débrouille avec son paquet, mais par contre, vous. Vous allez être hyper, hyper gâtés. Ah. Oui. Ouais. Alors, il y a des dinosaures, il y a des plats cuisinés, il y a du coca, il y a des plats à cuisiner. Des plats cuisinés. Oh. Légumes, viande, poisson. Il faut envoyer un micro-ondes avec, parce que... Ouais, il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas là. Ouais, mais avec la lumière, ça peut chauffer. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas con. Sinon, on le met sous ma chaise. On rentre les cuisses de... Il y a une astuce. C'est-à-dire les faire passer à l'eau chaude. Ah ouais, pas con du tout, ouais. Ah ouais, c'est-à-dire. Au bain-marie. On fait vraiment bien verser de l'eau chaude. De toute façon, Frédo, il va être à l'eau chaude, hein. De toute façon, c'est pas bon. Oui, bien sûr. Ça, il n'y a pas de problème pour lui. Ça, hein. C'est collectif, donc ça devrait aller. Et il y a du chocolat, il y a de la crème spéculoos, il y a de la crème au chocolat, il y a plein de trucs, il y a même du coca. C'est un panda, lui. Et il y a même, des pizzas. Ah bah dis donc. Ça va être frais tout ça, c'est des cool. Pizzas que t'envoies par la poste. Ben tout ça par la poste, un gros paquet XL. Mais ça me fait très très peur quand même, les pizzas par la poste, hein. Ouais. Oh, non, le corps, il les mangera avec le carton et tout. C'est l'apéritif. C'est l'apéritif. Ah, les pizzas apéritifs, ouais. Non, les pizzas apéritifs. D'accord. Mais par contre, ça, c'est-à-dire le gros paquet XL, c'est pour vous tous, mais pas pour le corps. Le corps, lui, il a son petit paquet rouge. Ça t'a coûté combien? Je dis pas le prix, c'est l'amour, c'est le cœur. Ouais, mais faut que t'arrêtes de faire ça, parce que tu vas te ruiner, en revanche. Vraiment. C'est gentil comme tout, ses intentions, mais. Merci beaucoup, Elisabeth, c'est gentil. Ce que je tiens, c'est que Elisabeth, pourquoi elle fait ça? C'est qu'elle vous aime énormément. Elle aime tout le monde et tout. Et moi, je veux tellement que vous me manquez énormément. Bah, moi, je vous envoie. Mais j'aimerais bien avoir ton adresse pour pouvoir te renvoyer une photo dédicacée, par exemple. En plus de ça, j'ai mis même des photos. Elisabeth, par contre, moi, j'ai un petit souci. T'as mis des photos de toi? Ouais, des photos, vous allez voir, vous allez être mort de rire et tout. Et plus, il y a même ta carte d'anniversaire, Cécile, que j'avais oublié dans l'ancien paquet. Oh, ma princesse. Elisabeth, si je t'envoie ma taxe d'habitation, tu me la payes ou pas? Il n'y a pas de problème, moi, je donne tout. Je veux une voiture. Ok, moi. Super. Écoute, là, je veux acheter un appartement à 300 000 euros, tu peux le payer? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Attends, il est blindé, on sait pas. Elle est au top, cette femme. Parce que quand vous allez avoir les paquets, quand vous allez voir les photos, vous allez dire, ma parole, mais elle sort d'où, Elisabeth? Mais tu sais qu'autant elle vole tout dans les supermarchés et elle nous les envoie. Non. Avis de recherche. Une famille de riches. Ah, bah, tu es une famille de riches. Bon, bah, continue d'envoyer des colis. Ouais, c'est ça, ouais. Mais si tu peux passer en train, ça serait cool. C'est ça, t'as raison. Même si, dans la ville, bon, même si jamais je suis issue d'une famille de riches, bah, moi, j'ai envie de partager tout ça avec des gens que j'aime. T'es trop mignonne! J'ai trop envie de la voir, aller déjeuner avec elle. Peut-être que parfois, j'ai un caractère peut-être un peu chiant. Non, mais fou, moi, pas chiant, mais fou. Chiant ou chiante. Mais moi, je dis, comme quoi, donc, il y a l'amour qui compte, c'est le cœur. Oui, c'est vrai, c'est beau, ce que tu dis. C'est beautiful. C'est beau, c'est pas français, mais c'est beau. C'est pas la peine d'être sur cette planète. C'est pour une faute de grammaire et conjugaison, mais c'est beau ce que t'as dit. Par contre, aussi, je voulais vous demander, mais qu'est-ce qu'ils ont tous, vos parents, à vous gueuler dessus et tout, hein? Bah, moi, ils me gueulent pas dessus, personnellement. Moi non plus. Non, moi, de toute façon, ce qu'il y a, c'est que moi, heureusement que ma famille, donc, ils me comprennent. Ma mère, déjà, elle commence à avoir un peu les chocottes de moi, même mon père et tout, parce que ma... Elisabeth, il faut la laisser faire. C'est moi la chef. C'est moi qui décide. Même par rapport à je sais qu'elle s'est pas attachée dans une chambre. Ouais. T'imagines comme c'est mal fait, la vie, elle est née dans une famille riche. Il faut pas qu'ils critiquent mes amis, hein, parce que si jamais ils critiquent mes amis, ma mère, elle se ramasse des... non, mais de toute façon, ma mère, de toute façon, elle critiquera jamais mes amis. Parce tu que... la frappes, ta mère, Elisabeth? Non, jamais. Mais non, mais encore heureux. Je suis sûre que ses parents, ils sont... Ma mère, je l'aime bien. Ils sont pas sur Terre, moi, je crois. Même mon père aussi, parce que il me laisse tout faire. C'est des petits canaris à qui elle parle, je suis sûre. Mais oui, peut-être. Habillé. Le canari mâle avec une chemise et l'autre avec une robe. Bon, maman et papa, hein, je vais envoyer des cadeaux à mes copains. Bon, elle, t'as déjà gagné. Elisabeth, t'as déjà gagné ou à la loterie, au jeu à gratter? Je parle de vrai montant, hein, pas 2 euros. Si. J'ai gagné une fois 500 francs. Ah, ben comme Mika. Ouais. Ouais. 500. T'as fait quoi avec? Bon... J'ai acheté des dinosaures que je vous ai envoyés aujourd'hui. T'as fait quoi avec les 500 euros? Je crois que j'avais acheté des... je sais plus. Ouais. Ah, tu sais plus. Je les avais donné à ma mère, je crois. Décidément, tu donnes tout, hein. J'ai tout donné. Cool. Parce que quand c'est des grosses sommes et tout, je préfère mieux donner. Et quand c'est des petites sommes, je préfère mieux les garder pour acheter des cadeaux. Il est grand ton appart, Elisabeth? Ah bah oui, ouais, avec tout ce que tu as. Un jardin. Ah, t'as un jardin dans ton appartement? J'ai un immense jardin, j'ai un garage, j'ai une... C'est très grand chez nous. Une piscine. Plus près, ouais. Va un peu plus loin. Ouais. Va en Corse, le Corse, justement, on t'entendra mieux. C'est ça qu'elle t'entend pas, il répète. T'as une piscine. Elle m'entend pas, dis donc. Pourtant, je suis à 2 mètres du micro, là, je comprends pas. Mais Elisabeth, elle a plusieurs maisons. Ma maison à Grenoble, et puis j'ai des maisons en Espagne aussi. Oh, mais t'es vraiment blindée. Est-ce que Elisabeth, t'as des chemises qui s'attachent avec les bras dans le dos, toutes blanches aussi ou pas? Avec des médecins qui t'attachent? Non, t'as pas ça. Est-ce que t'as des gens qui te courent après avec des filets à papillons géants? Non. Par contre, je voulais vous parler d'un truc qui m'a intriguée. C'est-à-dire, en parlant des morts, vous savez comme quoi il existe des morts qui sont vivants? Eh oui, des morts vivants. Oui, c'est ce qu'on appelle les morts vivants en général. Attendez, c'est-à-dire un mort, on le croit mort, ils vont le mettre dans le cercueil. Et donc après, trois jours après, le mort, il peut se manifester, il vit comme quoi il est vivant. Si, c'est vrai, c'est pour ça que Fredo, il m'a dit qu'il voulait se faire enterrer avec son portable. Non mais... avec son iPhone. Des morts qui décèdent et après... Les morts qui décèdent, ils sont déjà morts. Non. Si. Il y a des morts, mais je sais pas, mais... C'est faux. J'ai vu ça pas, donc va relire ce chapitre. Bon, on dirait Cécile, tu sais, qui raconte le début d'une histoire, puis après, mais je sais plus, j'ai oublié. À la télé, ils l'ont dit dernièrement, il y avait une femme qui était morte, et je sais pas, une heure après, ils ont réussi à lui faire... On l'a vu. Ah, mais tu en avais parlé, Mickaël, hein, une fille... Ouais. Tu vois, elle a raison. Non, mais j'ai pas dit le contraire, mais un mort ne décède pas. Non, c'est pas possible. S'il est déjà mort, par définition, concrètement, c'est pas possible. Réfléchis un petit peu. Moi, c'est pas bien. Et par contre, est-ce que vous avez entendu, c'est-à-dire la famille qui s'est jetée de la fenêtre? Ah ouais, putain, ceux qui sont défenestrés là, il y avait plein. Soi-disant, elles ont été, le diable, il leur a dit des trucs. Ah bah, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, effectivement, il s'est passé des trucs, hein. Ça, c'est clair. Mais le diable, il leur a dit des trucs que les 12 personnes, elles ont sauté par la fenêtre. Ouais, bon, on sait pourquoi c'est pas le diable du tout, hein. Ouais. C'était quoi alors? C'est pas le diable, c'est juste le mec qui était brutal et tout, et qui a menacé les sœurs et tout, etc. Et le dos, il s'est retrouvé. Il les a forcés limite à sauter, quoi, tu vois. C'était un mec qui brutalisait sa famille, quoi. Ah, je sais pas ça, d'accord. Après 12 heures ou 15 heures de. Les 14 personnes qui ont sauté. C'était pas genre le diable, ouais. Ça serait, ouais, mais il y a un autre délire. Comme quoi, ça serait. Ils auraient jeté un gamin. Je sais pas quoi, là, un gamin de 3 mois, il l'aurait jeté par la fenêtre. Tout le monde a voulu sauter pour l'attraper. Il y aura un délire comme ça, ouais. Genre toute la famille, crise d'hystérie et quelqu'un l'oncle qui... L'oncle derrière. Le frère qui s'est rattrapé l'oncle. Non, ouais, mais c'est possible. Bon, Elisabeth, reste là, on va te reprendre dans le Corsica Show dans un instant. Ne bouge pas, Elisabeth. Heureusement qu'il n'y avait pas les familles des autres villes. T'imagines, ils étaient 150. Font des figures et tout. Allez, bougez pas de là, on va se mettre un petit peu de pub et derrière, on se remettra la reprise de Gene Wine. C'est un vieux son rap des années 90 avec Pony et donc là, c'est la version de Phare. Écoutez ça, c'est juste après la pause. Le son de Phare à l'instant, F-A-R avec Pony à l'instant sur Gaume Radio. Et ben voilà, très bon son d'ailleurs, qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. En même temps, c'est pas tout récent. récent non plus. Voilà, si vous voulez la version originale, c'était Gene Wayne avec Pony également d'ailleurs, puisque c'était le même titre. Mais c'est reconnaissable, hein. Ah ouais, c'est reconnaissable. Si tu connais le titre original, c'est reconnaissable. Ouais, mais tu connaissais l'original ouais, ou pas? Ouais, je connaissais. Elle est différente, tu vois, c'est sympa, t'as les grosses guitares et tout. C'est même plus sympa cette version. Bon, après, t'as un avis, pas, mais. Oui, moi je préfère celle-là, mais bon. Allez, il est, 5 minutes avant la fin de l'émission, là, presque 23h, donc on va se faire péter maintenant le Corsica Show. C'est parti! C'est l'ordre. Le Corse est sur Goom Radio. Eh oui, comme tous les soirs sur Goom Radio, le Corse. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Et si vous voulez intervenir dans le Corsica Show tous les soirs, appelez le standard. Voilà, ce soir, pas de dédicace, on va prendre Monsieur. C'est pas vrai. Monsieur, bonsoir. Miracle. Allô, Monsieur. Oui, comment allez-vous? Le Corse. Oui. Le Corse. Ça va mal, le Corse. Ça va mal. Qu'est-ce que vous avez? Ça va mal. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est grave? C'est pas grave? Ben ouais, j'ai une espèce de pute qui arrête pas de répéter ce que je dis. Ah bon? Où ça? Quelle violence. Dans le téléphone. Dans le téléphone. Dans le téléphone, ah bon. Et qu'est-ce que ça vous met en érection? Qu'est-ce que ça vous provoque chez vous? Qu'est-ce que ça provoque chez vous? Ça me provoque du dégoût, j'ai envie de gerber, je vais chier dessus. Mais bon, vous êtes à côté des toilettes ou pas? Non, j'ai envie de chier sur la gueule de la blonde. Ah, parce que si vous étiez à côté des toilettes, au pire, vous étiez quoi? Vous auriez pas fait par terre et puis vous en auriez profité. Il a carrément envie de faire caca par terre? Ouais, il a envie de dégueuler. Non, sur la tête d'Emilie. Moi, je veux bien manger ton vomi, monsieur. Toi, tu vas manger. Tu vas manger mon foutre. Je vais m'en foutre. Quelle horreur. Voilà. Bon, sinon, ça va. À part ça. Eh ben, ça pourra aller mieux. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Allô? Il attendait trop que je répète, Fayot. Monsieur, il a un problème. Allô, monsieur? Le Corse? Oui, oui, vous êtes toujours là. Oui, je suis toujours là. Il bégaye de plus en plus. Non, parce que tu sais que il bégaye quand il se masturbe en fait. Voilà. Bah alors il se masturbe tout le temps. Ouais. Non, bonne soirée, monsieur. On a. Oh merde. À chaque fois, il prend sa respiration. On sait jamais, hein. Des fois qu'il part en apnée. Ouais. C'est sûr. René, bonsoir. C'est l'heure de la sodomie, c'est ça? De la sodomie, oui, comme tous les soirs. Si tu veux me prendre comme ça, c'est plutôt moi qui vais te prendre, espèce d'enculé. Enfin, moi, j'ai eu des échos hier, Mathéo, après que tu aies raccroché. Nous a dit que tu avais pris cher. Tu avais pris très cher, donc voilà. Tu t'es fait prendre en otage, tu as pris très cher, à ce qui paraît. Mais bon, t'inquiète pas. Il y a une autre équipe qui arrive ce week-end là. Il y a une autre équipe qui arrive ce week-end. Non mais tu vas prendre cher. Oui, tu vas prendre très cher. Voilà. Mais bon, je pense que je serai dans l'équipe de ce week-end, hein, René, en tout cas. Je t'ai dit, écoute bien, ouvre bien tes oreilles, tes grandes oreilles, que je serai dans l'équipe de ce week-end. Donc je vais faire ta connaissance, mon cher René. Je vais faire ta grande connaissance. Voilà. Oui. Mais là, tu parles par le téléphone. On verra quand je viendrai chez toi, René. Ok, je me mets en boucle. Je te sodomise. Voilà, c'est bien, René. Enfin, René, on verra ce week-end, hein, s'il sodomise. Qu'il est dur, c'est le cas de le dire. On verra s'il sodomise vraiment ou si s'il n'a que de la langue, ce René. On a Gaspard. Gaspard, bonsoir. Ouais, salut, c'est Gaspard. Comment tu vas, Gaspard? En forme ou pas? Ah, c'est une bonne blague. Ah, tu sais quoi ce soir, la blague? Elle traite de quoi, blondes. Là sur les blondes, d'accord. Sur les blondes. Fais gaffe, Gaspard, fais gaffe. Alors, vas-y, on t'écoute. Alors, pourquoi les blondes, ça mange jamais de bananes? Je sais pas. Parce qu'elles vont, jamais trouver la fermeture éclair. Elles vont jamais trouver la fermeture éclair. Je t'ai connu. C'est je t'ai connu. Blague, ouais, t'es pas en grande forme, Gaspard, ce soir. C'est de la merde, ta blague. En meilleure forme, ouais. Oh, ça va. Vas-y, tu as de la chance. On te laisse faire une autre. Allez. Non, j'en ai pas, tu m'énerves. Ah, vas-y, fais-en une autre. Non, bah non, je suis pas drôle, alors, c'est bon. Mais t'es vexé pas, drôle, gars, tu sais qu'on t'adore. Dis-moi, tu sais qu'on t'adore, sauf que ce soir, je t'ai connu en meilleure forme, c'est tout. Raconte celle du steak, Gaspard. Ouais, mais elle est drôle, hein, celle-là. Alors, c'est trois steaks qui se baladent dans la forêt, et d'un coup, il y en a un, il se retourne, il fait... Il n'y a plus mes copains steak, et ils ressortent, et d'un coup, ils font... Il fait... Eh, vous étiez où? Et là, ils font... On ne sait pas bien. On s'est caché. Voilà, là, tu es bon. Je reconnais le grand Gaspard que tu es. Eh oui, Gaspard. C'est des blagues comme ça qu'il faut. Quel idiot. Ouais. Bon, mais Gaspard, écoute, je t'embrasse. Je te dis à demain soir. Passe-toi une bonne soirée. Mets-moi des bons sketchs et des bonnes blagues pour demain, hein. Ok. D'accord, toi mets-moi un autre t-shirt. Ok, super, y a pas de problème. Je t'embrasse, Gaspard. Ciao, ciao. Allez, au revoir. Oh, c'est dur. Elisabeth, de ce soir qu'elle n'est pas intervenue dans le Corsica Show, et je pense que ce soir, je vais la prendre. Non, qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Ben, l'heure tourne, hein. Ouais, ben on la prend. Moi, je pense qu'il est 23h, donc on s'en va. Je crois qu'on a vraiment pas bien le temps et tout. Donc, salut, Elisabeth. Je crois pas que je vais la perdre. Parce qu'on a, c'est 23h. D'accord. Mais sinon? Je peux la faire, en vitesse. Vas-y. Un talent sexy, un corps de princesse, c'est la princesse Tania. Pour ça qu'on t'admire, surtout ne change pas ma beauté de Tania. On te kiffe à fond, le corps si t'adore, et moi je suis folle de toi, ma princesse Tania. Et Chiffon te flaire, il est fou de toi, c'est sûr t'es la plus belle, Tania t'es trop sexy. Voilà. Trop mignon. Elle est forte, elle est très forte. Bravo, Elisabeth. Bravo, Babette. Elisabeth. Voilà. Mais écoute, Elisabeth, on t'embrasse. Demain soir, dans le Corsica Show, je t'attends. Prépare-moi une superbe chanson, hein, qui mette l'ambiance où tout le monde danse. Voilà. Y a pas de problème. Eh ben écoute, Elisabeth, on t'embrasse, passe-toi une bonne soirée. Alors moi, je te bisous à tout le monde. Ciao, Elisabeth. Je vous aime à tous et même à tous les auditeurs. Eh ben c'est cool. Voilà, à toutes et à toutes. Exactement. Voilà. Ouais. Bisous. Bisous, Elisabeth. Ciao, ciao. Bon, bah passez une bonne soirée. Ouais, on va se retrouver demain, hein, à partir de 20h comme d'habitude, et puis si vous avez des histoires drôles, qui font flipper. Ouais, pour le paranormal. Moi, j'en ai plein qui font peur. Parfait, puisque ce sera tout ça le 1er novembre, donc on fera une soirée spéciale tous habillés en citrouille. Non, tout ça. Voilà, tout simplement. Ouais. Ça me paraît pas mal comme ça. Hein. Et puis le retour, bien évidemment, du Corsica Show, ce sera demain également à partir de 20h, avec encore des places pour My Chemical Romance, encore avec des places également pour Jenali. Vous allez pouvoir assister à l'écoute de son album. Et puis on va se quitter dans un instant avec Martha Solveig. Ce sera Hello. Allez, bonne nuit, rencard demain à partir de 20h. Ciao tout le monde.